CFOU.ca 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Marie-Christine Perra nous impressionnera avec le retour de sa chronique artistique gratin et vin gratuit. Et David Ferron nous façonnera un avant-goût de son prochain chef-d'œuvre, le numéro 2 du journal Zone Campus. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 4 octobre 2016, à 205 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, on est en direct des studios de CFOU à Trois-Rivières, tu savais ça? Ben oui. Information pertinente à savoir. Tout à fait. C'est si jamais vous nous cherchez. On est là, là. C'est là, là. Pavillon Néré beau chemin. Exactement. Voilà. Je tiens à dire, je sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, en temps habituel, dans le pavillon, ça sent bien souvent... le résidu d'alcool. Oui, le fond de tonne qu'on appelle. Mais ce matin, je sais pas si c'est la personne qui a fait le ménage durant la nuit ou quoi que ce soit, mais ça sent beaucoup le parfum d'homme. OK, je pensais que ça sentait bon comme genre ils ont fait le ménage. Ça sent le gars qui a peut-être fait le ménage. Oui, exactement. Je sais pas si non plus si c'est les messieurs qui travaillent au 10-12, mais en tout cas, la personne sent vraiment bon. Eh bien, Colin, toi et les phéromones, hein, ça t'attire voilà. Comme une petite abeille qui veut aller butiner un gars de la construction. Ah, mais ça sent le parfum d'homme, ça sent bon. Ouais. Miam, miam, miam. Voilà. Bref, c'est comme ça. Aujourd'hui à l'émission, on a quand même pas mal de chroniqueurs. Hein. On a David Ferron qui va être là à 8h30 pour sa chronique mi-zone campus, mi-autre. Oui, oui. Parce qu'aux deux semaines, ouais. Il vient nous parler du journal qui vient de sortir. Là, on est dans l'entre-deux, donc on va parler un petit peu des activités de Zone Campus, un petit peu ce qui s'en vient plus tard dans le prochain numéro de Zone Campus, ainsi que faire jouer de la musique, sûrement avec David Ferron. Il y a tout le temps au moins une chanson à nous faire entendre. Ça, c'était à 8h30. Ensuite, à 9h, Marie-Christine Perret va être avec nous pour sa chronique Art et spectacle, gratin et vin gratuit. Souvent, elle parle d'art visuel, de trucs à voir à la radio avec votre imagination. Mm-hmm. Mm-hmm. Sinon, toi aussi, Tania, tu as tes chroniques habituelles du mardi. Donc, oui. Tania et Sigona et Tania, qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Bien, je vais vous parler un petit peu, je vais vous comparer deux choses bien différentes, en fait. Mais vous allez voir qu'à un certain point, ça peut vraiment beaucoup se ressembler. Intriguant. Mm-hmm. Alors, les mardis, est-ce qu'il y a du sport aujourd'hui? Ben oui, il y a du sport aujourd'hui, Mathieu. Sport et filoché. Parce qu'il y a eu beaucoup de sport durant toute la fin de semaine et la semaine dernière. Donc, on va faire le tour des sports universitaires et des sports locaux. Ça s'en vient plus vite que vous le pensez parce que les collègues sont à la fin de l'émission. Donc, on va commencer l'émission, toi et moi. Justement, en quelques secondes, ce sera le bloc pub. On va parler de publicité, de marketing, mais avant ça, on écoute une pièce d'Éléphantine. Est-ce que tu me parles de une clope, un café? T'as tout compris? Oh! À son œuvre qui? Hashtag Robot! Voilà! Encore en retard, faut défermer la radio. Pas de change pour le parcomètre, j'espère que ça va passer. Yeah. s'appelle, on s'écarte. Une clope, un café, éléphantine. Mathieu, c'est qui chante parce que je connais ça? Ah, c'est Maxime des Biens-Tremblés. Ah, voilà. Ben oui, celui qu'on appelle Manolo. Oui, Manolo. Petit assemblage requis maintenant, c'est le bloc pub. Oh! Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Ah, ah. Je préfère le good. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. Ah ah, c'est le bloc pub, la chronique dans laquelle on parle de marketing, de publicité. On fait ce chronique-là une fois de temps en temps quand ça donne. Commençons par, tu sais, je vais te faire deviner un peu qui a détrôné Tim Hortons à titre de marque la plus fiable au pays. Oh boy. Oh boy. Au pays, donc ouais, seulement ouais. Au Canada. Ouais. Putain, détrôner Tim Hortons. Tu sais, il faut le faire, là. Ça se mange pas aussi. Être Starbucks. C'est pas Starbucks. OK. C'est pas McDonald's. Non, c'est même pas un fast-food, en fait. Ah, ouais? C'est une marque que t'achètes en magasin. Quelque chose de très, très reconnu pour sa qualité. Mon Dieu, President Choice. C'est exactement ça. J'allais faire ça. Mon prochain indice aurait été genre « Reconnu pour sa qualité ». C'est bien le choix du président, oui. Ah, ainsi ouais. Que MEC pour Mountain Equipment Co-op qui ont détrôné Tim Hortons. Donc, l'Université de Victoria a publié son indice Gustavson 2016 après avoir sondé 6384 Canadiens sur leur confiance auprès de 276 marques nationales et internationales. Plusieurs marques canadiennes se démarquent au palmarès, dont Mountain Equipment Co-op, ainsi que le choix du président qui prennent la première position à Tim Hortons, qui est désormais en 47e place. Oh! Qu'est-ce que Tim Hortons a fait pour dropper de même? Ben ouais. Je sais pas. Ils vendent beaucoup moins de café. Peut-être. Non, est-ce que c'est parce qu'ils prennent le débit puis le crédit fait que ça fait attendre le monde? On sait pas. Oh, je sais pas. Donc, c'est une égalité pour la première place en 2016 avec MEC et le choix du président. Également au top 10, Pharmaprix arrive 5e, David's Tea, entreprise québécoise, je savais même pas, est 7e, et Band-Aid, les plasters, se classe 9e, Interac est en 11e place. Laura Secor est en 17e, alors que du côté des produits laitiers canadiens, Agropur se retrouve 20e et Parmalat au 67e rang. J'ai toujours aimé le nom de Parmalat. Parmalat. Les quincailleries se démarquent aussi. Rona ne semble pas encore subir les conséquences de sa vente, se plaçant en 24e. Canadian Tire la suit de près en 25e. Dans les médias Global TV, je sais que tu les aimes bien, se retrouve juste derrière en 26e place. Également parmi les 100 marques les plus dignes de confiance, Loblaw, Roots Canada, Purolator, Alexander Keith, WestJet, The Real Canadian Superstore, La Baie du Tisson, Saputo, Via Rail, McLean's, Radio-Canada, CBC, Porter Ale, BMO, la Banque Scotia et CTV, ainsi que Télé-Canada Trust. Faites voir le reste du classement sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu as vu passer la publicité de l'Ordre des chiropraticiens qui parlait d'improvisation? Non. Non. Il y a quelques semaines, on dévoilait la toute nouvelle offensive sous le thème « Être chiro, ça ne s'improvise pas » de Cossette pour l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Le message mettait en scène une partie d'improvisation au cours de laquelle un des participants se retrouve dans l'incapacité d'improviser sur le thème « Ma visite chez le chiro ». Dans la foulée, la Ligue d'improvisation montréalaise a publié une vidéo sur sa page Facebook en réponse. C'est la même exécution qui est reprise avec une fin différente. « Être improvisateur, ça ne s'improvise pas non plus. Nos comédiens ont en moyenne 15 ans d'expérience. » Tu vois qu'eux, mis sur le fait que leurs joueurs sont des joueurs d'expérience, alors que d'autres ligues d'improvisation ont mis plus sur le fait que c'est des gens qui sont nouveaux en improvisation. Ça dépend vraiment. Ici, dans ce cas-ci, j'aurais fait jouer la vidéo, mais okay. La vidéo est non disponible en ce moment. Samedi, je vais sur la page Facebook de la LIM et c'est pas là non plus. C'est regrettable. Par contre, je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont enlevé parce que l'Ordre des chiropraticiens, c'était leur montage, leurs images, donc ils avaient pas le droit, probablement. J'imagine que c'est ce qui s'est passé. Mais bon, on comprend le principe en l'ayant expliqué un petit peu. Là. Oui. Il se passe un sketch sur le chiro, puis ça se passe mal, puis on dit, bon, on s'improvise pas chiro. Hein? On comprend. Ensuite, Mécan a créé un service d'escorte avec une surprise macabre pour les gens qui l'essayaient. OK. Mm-hmm. Donc, la prostitution illégale a toujours été remplie de risques, que ce soit pour la violence ou peu importe. Mais aujourd'hui, l'Internet nous donne encore plus d'anonymité, donc ça peut être encore plus dangereux. Hein? Mm-hmm. Certains gens pensent qu'ils se... que tout leur est permis lorsqu'ils paient pour quelque chose. C'est pas parce que tu paies pour une escorte que soudainement t'as le droit de lui faire n'importe quoi ou de te faire faire n'importe quoi. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, à moins que ce soit précisé et que tout le monde soit d'accord. On se comprend. En effet. Voilà. Bref, c'est pour ça que l'organisation française Le Mouvement du Nid a lancé son propre site web d'escorte avec l'aide de Mécan Paris. Mais pourquoi? Donc, Girls of Paradise, au départ, ressemble à un service d'escorte normal. On peut regarder les profils, des photos, parler avec quelqu'un en chat ou encore appeler au téléphone les femmes qui nous intéressent avant d'arranger un rendez-vous. Mais le but du site est de montrer aux clients que en finançant le marché noir, ils sont aussi complices de la violence que ces femmes-là vivent. Mmh. C'est facile d'oublier donc quand t'es derrière un écran d'ordinateur, mais ensuite tu commences à parler à la femme et bref, chaque femme dans Girls of Paradise en fait est déjà morte. C'est le but de la chose, donc tu chattes avec la fille puis t'apprends sur le site web que la fille est morte. C'est évidemment... Mais c'est vrai? Non, c'est des top modèles, là, quand même. Oh my God! Là, je te laisse tomber ma case. Ben, c'est ça. Ça le disait dans le titre, hein? Donc, la révélation est faite lorsque le client initie un chat ou un appel téléphonique. Donc, avant ça, tu parles à la fille, c'est complètement normal. On leur montre des photos de la femme, après ça, qui est un peu amochée, un peu ensanglantée, où on se fait dire qu'elle n'est pas disponible ce soir parce qu'elle a été tuée dans une manière assez macabre, comme tu l'as dit. On peut regarder la vidéo de ce qu'on appelle le case study. Donc, on va écouter ça un petit peu. Je vais vous traduire évidemment les propos écrits à l'écran. Emprisonnée par son pimp, la prostituée saute par la fenêtre. Kidnappée, violée et forcée à faire la prostitution à l'âge de 15 ans. To be a prostitute today means to be a victim of extreme violence. De violence extrême. By putting money in the system, en mettant de l'argent dans le système, les clients se deviennent complices de cette violence. Et là, on voit des images de violence. Nous voulions qu'ils réalisent les conséquences de leurs actions. Nous avons donc créé Girls of Paradise, le premier site web d'escorte où toutes les prostituées sont déjà mortes. But the clients don't know it yet. Mais les clients ne le savent pas encore. Donc, Inès, ici, a été tuée par des douzaines de coups de couteau. Julia a été trouvée battue avec des brass knuckles, des trucs que tu mets sur ton poing. Donc on les présente comme si elles sont toujours vivantes. Les clients choisissent une fille et ils commencent à chatter. Donc c'est vraiment la première étape. Salut, ça va? Est-ce que t'es horny? Est-ce que tu veux voir d'autres choses? Oui, évidemment. Allô? Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Je cherche à joindre. Oh, c'est déjà français, tu vois. And suddenly, they discover the real story. Justement, découvrent l'histoire. Toi et tes copains, vous pourrez pas la voir ce soir. En fait, elle a été retrouvée morte dans l'appartement où elle recevait ses clients. Elle est morte de 53 coups de couteau. Non. Wow. Et là, on voit les photos de la fille un petit peu battue. Et là, ça dit, c'est vraiment la fille qui dit « Je suis morte, j'ai été atteinte par des coups de couteau. » Non, de 600 appels reçus, je recule un petit peu, de 600 appels reçus dans la première semaine, voilà. Et des milliers de messages par chat. Nous avons changé la perception des clients et réveillé le sens moral du pays. On ne pénalise plus les personnes prostituées, mais à l'inverse, ceux qui exploitaient leur précarité. Et désormais, un délinquant, c'est le titre du Parisien. CNN aux États-Unis. D'un client qui, lui, parce qu'il a de l'argent, a tous les pouvoirs. C'est d'une violence inouïe. Avril 2016, une décision historique a été prise. La France a voté la première loi nationale pénalisant les clients de la prostitution. Voilà, donc Mouvement d'Uni France. Abolir la prostitution. Ça frappe pas mal fort. Pas mal, hein? Ouais. C'est le genre de message qui vaut la peine d'être fait parce que ça sensibilise énormément les gens. Vous avez vu, ça menait vers une loi. Tout à fait. Ensuite, un petit peu moins sérieux quand même. Airbnb qui a donné à Marnie le chien son propre manoir à Beverly Hills. Ben non. Oui. Donc, les voyages en fait peuvent être difficiles pour les animaux. Donc, pour célébrer la National Dog Week, la semaine nationale des chiens. T'as-tu vu comment il est? C'est vraiment. Oui, tout à fait. C'est pas mon genre de chien du tout. Je trouve qu'on dirait qu'il a reçu un coup de poil là en face. Je suis désolée, là, c'est pas de la discrimination envers les chiens, mais il est comme si. C'est un peu du racisme. Il est comme canté sur le set, puis la langue qui la langue. C'est vraiment pas un bon chien du tout. Je pense que ça vaut la peine qu'on le poste sur Facebook. Oui, tu peux faire ça, s'il te plaît. Donc, pour la National Dog Week du 19 au 25 septembre et pour faire la promotion de ces 600 000 maisons qui accueillent les animaux, on parle de Airbnb, évidemment, le système de location d'appartements, un peu comme un hôtel. Donc, Airbnb a montré la vedette des réseaux sociaux Marnie the Dog, un chien personnage âgé, un chien âgé, on va se le dire comme ça. Ah, C'est pour ça qu'il cante un peu. Donc, il venait de déménager de New York à Beverly Hills. La célébrité, donc, est plein d'avantages, même pour les chiens. Pour calmer sa transition, Airbnb l'a amené dans un manoir à 5 000 $ par nuit, où elle passait, donc, ses nuits complètement soignée de par l'attention de Hugo le butler et Teddy le chien. Alors, vous pouvez l'avoir essayé des. Le chien, il doit avoir mal dans le cou, sérieux. Je viens de taper son nom sur Google. Ben, c'était vraiment une vedette des réseaux sociaux, c'est ça l'affaire. Donc, on peut l'avoir essayé des vêtements, de s'allonger autour de la piscine comme ça et boire de l'eau dans des bols pour chiens avec des bijoux dessus. Voilà. Mais ça explique-tu pourquoi il est calé de main? Non, c'est pas le but. C'est vraiment intriguant. Bref. On essaie de faire que les gens se soucient des vieux animaux de compagnie. C'est un hommage. Je me soucie tout le temps des vieux. Absolument. Tu l'as dit, oui, il faut pas regarder vieux. Donc, en hommage à ce canin qui travaille très, très fort, Airbnb a aussi fait un don à Muttville. C'est une charité basée à San Francisco qui aide à améliorer la vie des vieux chiens en essayant de les sauver, en prenant soin d'eux, en les faisant adopter et en offrant des services d'hospice. Voilà. D'ailleurs, il y a de plus en plus de maisons de retraite pour les animaux, hein. Ça va être ça? Ah oui, ils jouent à pétanque, genre. Ils sont apparemment mieux traités que les personnes âgées. J'en doute pas. Aussi, donc, ils veulent faire que les gens soient au courant de leur listing pet-friendly, qu'on appelle, donc où on peut accueillir des animaux dans des appartements ou des maisons avec Airbnb. La marque a aussi des statistiques. La Virginie-Occidentale est l'État qui accueille le plus d'animaux, avec 40% presque de listings actifs qui accueillent les animaux. L'Italie est le pays le plus pet-friendly, avec 110 000 Airbnb qui accueillent les animaux. Les États-Unis sont en deuxième place avec 92 000 listings. Et puis, 30... non, ben, le reste, c'est pas mal. Ça, allez voir des photos du chien Marnie, de la chienne. Et elle est maintenant sur la page d'Assemblage Ricky! Oh, que oui! Efficace! Merci, Tania. On dirait qu'elle est en train de danser sa photo. Je viens de me trouver une nouvelle meilleure amie, le genre Marnie the Dog. Hey, mais pour vrai, à un moment donné, j'ai vu un chat sur Instagram et à chaque fois que tu likes quelque chose sur Instagram, tu te fais proposer d'autres trucs qui sont reliés à ça. Fait que là, je suis membre de la page de 1000 chats, chiens et animaux de compagnie. En passant, oh my god, elle a une page vérifiée Facebook. Oh, chat. On y est plus avec le pack, là. Wow! J'aurais jamais pensé que tu pouvais faire vérifier ton chien. Comment est-ce qu'elle prouve que c'est vraiment elle? Ah, ben, t'en vois-tu beaucoup des chiens qui sont cantés comme ça? Est-ce que t'aimes les voitures Volkswagen, Tania? Oui. Les Beetle, des trucs comme ça, les petites voitures rondes. Donc, la prochaine voiture de Volkswagen a un nom et c'est un fucking hashtag. Non, non. C'est la hashtag Pink Beetle. Sérieux? Un modèle fuchsia, absolument. Ben oui, c'est pas tous les jours qu'une compagnie lance une nouvelle voiture bien colorée basée sur la demande des médias sociaux ou encore nomme le modèle en l'honneur du hashtag qui a aidé à l'amener sur le marché. Wow. Est-ce que c'est pour le cancer du sein? Même pas. Non. Donc, l'édition 2017 Special Edition Volkswagen hashtag Pink Beetle, c'est vraiment son nom officiellement, qui va être disponible en salle de montre cet automne. Et la marque célèbre avec une publicité très magenta de l'agence ISL, exclusivement sur des chaînes sociales comme Facebook. Donc, une petite armée une parade, si on veut. C'est une parade de gens armés de roses. Monochromatique dans les rues de Washington D.C. dans une publicité de 50 secondes. Il y a des habits roses, des souliers roses, des cravates roses, des verres roses, des lunettes roses, des ballons roses, des posters roses, des vélos roses, des drapeaux roses. Ça arrête plus, des fedoras roses. Tout ça avec un genre de big band brass style Nouvelle-Orléans, un truc avec des pancartes qui disent « The you is for you ». Donc cette nuance, cette teinte, et pour vous, parce qu'encore une fois, c'est les médias sociaux qui ont décidé de ça. Il y a même un turban rose dans tout ça, parce qu'on inclut tout le monde. Donc, voici la superbe publicité. Un après-midi ordinaire, Volkswagen ensoleillé la journée, avec une petite dose de couleur. Donc, les gens arrivent en habit rose, là, tout le monde les regarde. Mais voyons, non, ouais. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Des affiches roses sur les bâtisses. Quelqu'un qui passe à vélo avec son vélo rose. Le grand drapeau, il a la dame. Cours! Tout le monde court! Est-ce qu'on voit le brass band New Orleans style? Oui, là, yeah! Ça, c'est mon genre de musique, là. J'aime tellement ça, big band. Ah ouais? Tout le monde crie, pom-pom partout, les gens sont super impressionnés. Prennent des vidéos avec leur téléphone cellulaire, donc on embarque dans le marketing de la chose à fond. Et la petite voiture est dévoilée. Live a little brighter, vivez un petit peu plus brillamment. Et voici la hashtag Pink Beetle de Volkswagen. Jolie voiture, pour vrai, ils l'ont comme un petit peu allongé, la New Beetle. Ouais, comme, c'est vrai. Plus format voiture, mais elle reste caractéristiquement New Beetle. Et ça, tu sais, peut-être que c'est aussi mon genre. Donc, tu combines une mini Beetle. C'est du rap que je fais. Ensuite, US Cellular nous a fabriqué une petite publicité pre-roll. Tu sais, sur YouTube, quand t'as avant ta vidéo, une vidéo pre-roll, une publicité qui s'affiche à l'avant de la vidéo, et celle-ci dure 7 heures. Oh my God! Et ça vous permet de regarder le gazon pousser avec quelques petits œufs de Pâques, dont des petites surprises, bien sûr. C'est vrai. Je te jure, US Cellular, donc, qui nous amène un nouveau standard, un nouveau, je dirais presque un nouveau record, 7 heures de publicité, à peu près aussi excitant que regarder du gazon pousser. En fait, c'est l'idée derrière ces 420 minutes du gazon pousse et pousse et pousse sans qu'on puisse le percevoir. Et évidemment, c'est ce que fait le gazon à la vie. Ça a été créé par Mullen Lowe. Donc, la publicité ouvre sur le porte-parole Darian qui se promène sur une tondeuse, sur un grand champ vert. Et là, ça dit « Switch to US Cellular ». Donc, passer à US Cellular pour avoir 7 gigs de données pour seulement $49 par mois. Vous allez avoir tellement de données. Switch to US Cellular and get 7 gigs of data for just $49 per month. You'll have so much data that you can stream vous allez pouvoir streamer des profs de quoi? Even même hours des hours heures et des heures de gazon qui pousse. Amusez-vous. Donc, son pitch dure 15 secondes en tout. Ensuite, il part et le gazon, évidemment, commence à pousser. Je pense qu'il n'a pas arrêté. Ça doit pas. Et ça dit que le soleil fait un genre de chemin à travers le ciel du début à la fin de la vidéo. Évidemment, si on avance vraiment dans la vidéo, on voit que ça a été filmé avec une caméra posée là. Ça a pris des gigs de données, littéralement, pour faire pour enregistrer ça. Quelqu'un a mis ça sur un disque dur quelque part. Et on voit que le temps change. Ça reste ensoleillé, mais un petit peu plus couvert. Et après ça, le soleil s'estompe et ça devient la nuit. 7 heures et je trouve pas ça très rond, hein. C'est 7 heures et 6 secondes. Ah, écoute, on peut pas tout avoir dans la vie, Mathieu. Moi, j'aurais déjà pas à la fin. Hey, ce qui est intéressant, c'est que le texte... Ah, oh, attends un peu. Il y a les œufs de Pâques, les surprises qu'il y avait dedans. C'est que le gars, littéralement, a été engagé pour les 7 heures, j'imagine, et revient une fois de temps en temps dans la vidéo. Donc, on peut le voir amener son, son canevas et faire de la peinture. Mais ça, faut vraiment... peut-être pas regarder les 7 heures, mais scroller pas mal dans la petite vidéo pour voir la capture d'écran en bas pour le trouver. Et le petit texte en bas qui parle, tu sais, le legalese qu'on appelle, les petits textes de bas d'écran disant, bon, certaines conditions s'appliquent détaillées en magasin, est écrit tout le long des 7 heures. Ah, pas vrai? Ils ont pas juste mis ça à la fin, je me serais attendu à ça, ou les 15 premières secondes, parce qu'ils disparaissent, non, non. Et le prix est 7 gigs par ligne pour $49 par mois, reste dans le ciel aussi jusqu'à la fin. C'est quand même une drôle de tactique. Donc, encore une fois, créé par Mullen Lowe. Très thérapeutique. Le gars parle. Il a encore son micro tout le long des 7 heures. Non. Je sais pas si quand il va faire pipi, genre, faut qu'il me serve. Ah, peut-être. Ou tu l'entends. Peut-être. Ça serait drôle, par contre. Un petit œuf de Pâques, ça aussi, d'entendre le gars faire pipi. Voilà, c'était pour US Cellular. Ensuite, Tania, est-ce que t'as besoin d'un petit peu de saucisse dans ta vie? Pardon? Hein? Donc, si t'as besoin d'un petit peu de, de soutien pour ta saucisse, en fait. Ah, encore mieux. Ouais. Donc, les experts de chez Johnsonville sont à un coup de téléphone avec des recettes, des jingles de viande et encore plus. Tôt ou tard, tout le monde a besoin d'un petit peu de soutien pour sa saucisse, disent-ils. Donc, si vous êtes si vous avez des problèmes avec vos saucisses, en fait, c'est au passé parce que c'est fini. Donc, jusqu'à un certain vendredi, entre 8h et 20h, heure du centre des États-Unis. Donc, viens appeler chez Johnsonville HQ au 844-9-SAUSAGE. Les employés de la compagnie servaient donc plein de conseils sur ces tuyaux, ces boyaux de porc avec enrobage de je sais pas quelle partie du corps de la vache là, qui est utilisée pour faire les... C'est pas l'intestin? C'est les boyaux. Boyaux, tout à fait. Donc, c'est le Sausage Support Center. En direct, sans script, parlons saucisses ensemble, comme il disait. Donc, encore une fois, 1-8-4-4-9-SAUSAGE. Et voici la bande annonce. Sausage Support Center. On est dans un bureau. Sausage Support Center. Sausage Support Center. Sausage Support Center. Sausage Support Center. At Johnsonville, our people are responsible for everything. Nos gens sont responsables de tout. Et maintenant, even sausage support. Même la saucisse est soutenue. Support. Hello? Un instant. Next time you don't know what to make for dinner, give us a call. La prochaine fois, vous savez quoi faire pour souper. My favorite is quick quesadillas. Mon préféré, c'est les quesadillas. Sausage, la saucisse. Macaroni, les penny. Macaroni, fromage, la saucisse. Nous allons faire de votre repas un repas Johnsonville. C'est bien, magnifique, magnifique. Made the Johnsonville way. Voilà. Le fondateur, la chair et fondateur Ralph Steyer Jr. était parmi les 30 qui répondaient au téléphone. Donc, le président de la compagnie répondait lui-même au téléphone. Là, ça, c'est de l'engagement quand même, papy. Quand même, hein. Ensuite, tu connais le sport, toi, tu connais les carabins? Ben oui, les carabins de l'UQAM. Exactement, donc l'agence Cartler signe la force de la montagne. Non, c'est les carabins de l'UQAM. Oh, Tania. C'est les citadins c'est de l'UQAM. C'est comme le W sur un casque de football l'autre jour que c'était pas Mathieu. Les White Sox. Mathieu. C'était les Nationals de Washington, puis t'as ri de moi. Oui, mais là, attends, c'est parce qu'il y a deux universités dites francophones à Montréal. Il y en a un qui c'est l'UQAM, l'autre c'est l'UDM. Les deux, leurs noms se ressemblent vraiment beaucoup trop. L'UQAM, c'est les citadins, puis l'UDM, c'est les carabins. Ah, tu t'en sors, là, tu t'en sors. Tellement, ben oui. Mais je sais. C'est difficile quand t'as un match de soccer. L'agence Cartler, donc, signe la force de la montagne. Une nouvelle campagne pour les carabins de l'Université de Montréal. Est-ce que tu l'as vu, la campagne? Non. Non. Donc, Cartler avait comme mandat de trouver l'élément qui unit les carabins de l'Université de Montréal, composé de plus de 500 étudiants athlètes répartis en 23 équipes et représentant 13 disciplines. Comme le campus est installé sur le flanc du Mont-Royal, l'agence a eu l'idée de transformer la montagne en un symbole fort auquel les carabins pourraient s'identifier. Intitulé à la force de la montagne, le concept est donc né de cette identification au Mont-Royal, mais aussi des valeurs véhiculées par le sport, nous dit infopresse.com. L'offensive se déploie en capsule vidéo diffusée sur le web et en pre-roll dans les cinémas Guzzo, en affichage sur le campus de l'Université de Montréal, au Sepsum et dans les environs. En plus, un volet web et dans les réseaux sociaux servira notamment à la promotion des parties de football, les carabins. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis... En tout cas, je trouve que c'est un bel addon. C'est les mêmes personnes qui sont sur le bus voyageur des... Ben, c'est leur campagne publicitaire. J'espère bien qu'ils sont cohérents et conséquents quand même. Donc ici, on voit, par exemple, une pancarte avec un joueur de football. C'est bien ça, football. Oui. Ça dit « Monter d'un cran ». Et en dessous, leur slogan « La force de la montagne » et le logo des carabins. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ont installé la pancarte en bas d'un escalier. Mm-hmm. Comme si tu devais toi-même grimper la montagne. Hein? Sinon, t'as une partisane d'une équipe de sport quelconque, avec son foulard, elle s'est dit monter d'un cran aussi. Sinon, t'as une femme qui est avec sa serviette, donc elle vient de s'entraîner ou revient d'un match, et elle s'est dit être à la hauteur de nos ambitions. Hein? Oui. Donc voilà, c'est joli. C'est cute. Et à l'arrière-plan, j'imagine qu'on détecte une montagne du Mont-Royal avec la croix à l'arrière. C'est quand même assez clair. Oui, oui. Et c'est plus subtil que... C'est une même campagne. Oui. Et c'est plus subtil que l'amphithéâtre Cogeco sur les publicités du FM 106.9. Ensuite, Columbia Sportswear. Hein? Qui force ses candidats, on reste dans le même domaine, à monter, à grimper les montagnes pour leur entrevue pour un emploi. Oui. Donc, on cherche le directeur de la dureté. Le directeur de la dureté. Bon, on pourrait dire ça comme ça. Director of Toughness pour voyager partout dans le monde. Donc, il y a évidemment plein d'emplois bizarres depuis les dernières années, surtout en marketing, surtout dans le domaine de la technologie, mais cette compagnie de vêtements extérieurs, Columbia Sportswear, essaie de se rendre à un nouveau sommet avec son rôle de Director of Toughness, qui fait vraiment travailler les candidats pour avoir la gig. Une nouvelle publicité de l'agence North, oui, montre donc les personnes qui pourraient être potentiellement engagées, interviewées pour la position. Je vais éviter de faire comme le reste de tous les articles et de décrire la vidéo et après ça la regarder. On va juste regarder la vidéo. C'est plus simple de même, hein? Je devrais apprendre de mes erreurs une fois de temps en temps. Donc, une prémisse, nous dit-on, divertissante et ridicule. Entrevue pour West Coast dans l'Oregon. I'm here with the Columbia Directors of Toughness interview. Can you tell us a little bit about your bio? Je suis ici pour l'entrevue pour le directeur de la dureté. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Je travaille dans l'armée. J'étais dans l'Amazon récemment. Chez les sports extrêmes. Pourquoi devriez-vous être directeur de la dureté? Je crève des montagnes. Je cours. Je fais du ski. Je veux inspirer les gens. Merci beaucoup. Merci. On va nous avoir rencontré. Au revoir. La prochaine partie de l'entrevue est donc de monter 2000 pieds dans les airs. Là-haut! Here's your pack. Oh. Voici votre sac à dos. Maintenant. Take off, man. Trail's right there. Ah ben oui, la train est juste là. Il faut pas être en retard. Good job. Clac, et là on y va. Et là on grimpe. J'imagine des vraies personnes. You show up and you don't know what you're gonna do. Donc t'arrives là puis c'est pas ce que tu vas faire. J'ai une map, j'ai un sac à dos. On m'a dit que je devais partir dans l'aventure. Maintenant, je me sens comme un... J'ai l'impression que j'arrête de mourir, de bouger, je vais mourir. Et là, le bureau est vraiment là, le Palmer Glacier, à 7950 pieds. Hey there, you're late! Hey, t'es en retard! Hey. Viens-t'en. Yep. That's not good. Là, il y a vraiment une table avec les affichages de Columbia. I'm Jason with an A. Je m'appelle Jason. This is my office. C'est mon bureau. It says here you're a member of the armed forces. C'est ici que vous êtes membre des forces armées. In Iraq. Oui, je suis allé en Irak, en Afghanistan. You run 50 mile runs? Yeah, quite often. Etc, etc, je vais sauter les bouts d'entrevue, blablabla. Oui, c'est anyone on the planet? All I say is I definitely am. And I would really love to be a part of making women's gear better. So whether it's climbing or running or skiing. Every mountain teaches me something. Chaque montagne m'enseigne quelque chose. Qui sera le prochain directeur de la dureté? Restez à l'écoute. Columbia! Ouais. C'est, ouais. Wow. On avait pas mal compris le principe après 30 secondes. On fait plus les entrevues de la même façon. Non, hein? C'est ça, absolument pas. Voilà où ça se passait à Timberline Lodge et Mount Hood dans Portland, en Oregon. Voilà, et c'est pas la première fois en fait que Columbia cherchait quelqu'un pour ce rôle-là. Il y avait une version en 2015 où le directeur de la dureté devait voyager dans le monde pendant 6 mois, visitant des endroits comme le Chili, l'Ouganda et l'Équateur. Mais le processus d'entrevue était pas mal plus calme que dans cette version-là. Le salaire est de 39 000 $, inclut des bénéfices, selon CNBC. La personne qui va vraiment être engagée, c'est vraiment un vrai poste, hein, va devoir documenter ses aventures et les partager sur les réseaux sociaux aider la marque, évidemment, à être de plus en plus connue. Voilà. Et pour terminer, as-tu entendu parler de Louise Delage? Non. C'est la vérité troublante derrière un succès Instagram d'un jour à l'autre. Donc, on connaît tous quelqu'un qui ressemble à Louise Delage, dans le sens que quelqu'un, bon, on est sur Instagram depuis des années, la personne a 50 likes si la journée va vraiment bien, et ensuite, instantanément, en direct du jour au lendemain, 16 000 followers en quelques mois. C'est l'histoire de Louise Delage, c'était aussi l'histoire dans le temps de Lonely Girl 15. Tu te rappelles peut-être de Lonely Girl 15, c'était une vidéo-réalité vlog un peu. Ouais. Où finalement on avait appris que la fille c'était une actrice, il y avait tout un gros scénario autour de ça. Bref, c'est un peu la même chose. Quand Louise Delage est arrivée sur Instagram le 1er août avec ses boissons et son attitude et son sourire ensoleillé, les gens se demandaient qui c'était. Ça avait l'air de juste une autre parisienne chic. Ensuite, on a réalisé que c'était une attrape. Donc la vedette de 25 ans qui a eu 50 000 likes en quelques mois avec des photos de ses parties sur des bateaux, des voyages, des soupers super riches, en fait faisait partie d'une campagne pour l'agence de Paris BETC appelée Like My Addiction, donc aimer ma dépendance. Parce que si on retourne en arrière sur Instagram, on remarque qu'elle a toujours un drink à la main, ou presque toujours. Donc c'est vraiment pour sensibiliser à l'alcoolisme. Ben oui! C'est fort, parce que les gens l'aimaient vraiment, puis trouvaient qu'elle était cool, puis qu'ils voulaient être comme elle, etc. Donc la vérité a été révélée dans une vidéo publiée sur Instagram et YouTube la semaine passée, donc on regarde ça pour terminer. Le 1er août, @louise.delage est apparu sur Instagram. 2 mois plus tard, ses photos et ses vidéos avaient 50 000 likes. Mais ses followers savaient-ils vraiment ce qu'ils likaient? Donc là, on la voit en photo, à chaque bing dans la chanson, il y a une photo qui change. J'aime quand ça suit le beat de même, c'est fun. Ouais, hein? Bing, bing, bing. Même des photos animées, des petites vidéos. Elle qui pop le champagne. Elle qui magasine du linge. Elle qui a du plaisir dans la vie, qui fait des acrobaties. Elle qui chill dans son salon. Elle qui a l'air de plus en plus saoule, on dirait, parce qu'elle est tout le temps en état d'ébriété. Oui, bon, on en vient droit au bout, s'il vous plaît. Bing! C'est là, bing! Non? Bing, voilà. C'est facile de rater la dépendance de quelqu'un qui est proche de vous. Donc, addictaide.fr. Voilà, campagne créée avec l'aide de la compagnie de production Francine Framboise pour Addict Aid, qui essaie évidemment c'est quoi le mot que je cherche? Ben, je sais pas, là, j'aimerais bien ça t'aider, mais... En tout cas, donc, ça dit qu'une mort sur 5 chez les jeunes annuellement vient de la dépendance. Donc, Addicted donne des ressources aux gens qui sont proches de quelqu'un qui fait de la consommation d'alcool, oui, quelqu'un proche d'eux, ou encore même ceux qui en sont dépendants. C'est à peu près ça, donc allez voir l'article sur assemblagerequis.com. L'équipe postait 2 à 3 posts par jour à des moments à teneur élevée en trafic internet, donc le matin, sur l'heure du midi et tard le soir, lorsque les gens stalkent les autres. Voilà. Pour s'assurer que le contenu était trouvé donc par les fans, chaque post avait un mix de 20 à 30 hashtags fashion, food, nature, parties, donc pour que tout le monde soit vraiment voit ça dans leur feed finalement. Il y a aussi un bot qui likait et suivait des gens spécifiques comme des femmes intéressées par les blogs de mode, les journalistes, les vedettes, etc. Donc le bot était très très efficace. Le nombre de followers de Louise était à 16 700 alors qu'elle suivait seulement 3156 personnes bien choisies. Voilà, c'est tout pour le blog pub. Au retour de la pause, ce sera Tania de nous passer un bon moment. Ah ouais! Sport est flashé et Tania is gonna entertain ya au retour de la pause. Ça sent bien! Oui, oui, oui! Pour l'écouter. 89.1. êtes à Assemblage Requis en ce mardi 4 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Oh oui, maintenant, sans perdre plus de temps, c'est le moment de tes chroniques. Est-ce qu'on commence? J'ai oublié de te demander à l'avance. On commence par les sports, hein? Ben oui. Bien sûr. Donc, à l'instant, même là, là, c'est le moment de parler de sport et filocher. Yo! Je l'ai eu là, ouais. pour la première à fois. À deux secondes, peut-être. Ouais, exactement. Précoce, un petit peu. Hey boy. Bon, ben oui, comme à chaque mardi, on parle de sport, ouais. bien évidemment. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire un petit peu changement ce matin. En temps habituel, on commence par les sports qui sont locaux, qui sont pas nécessairement universitaires. Mais là, j'ai décidé de faire changement ce matin, fait qu'on va commencer par les sports universitaires. Ouais, je sais, je suis rebelle comme ça. Puis pourquoi pas parler des sports universitaires en parlant des Patriotes de la semaine. Oui. En vous les présentant, en fait, parce que les deux Patriotes de la semaine sont Chloé Gervais-Pépin et Nicolas Gilbert, tous deux en cross-country. Donc, la recrue Chloé Gervais-Pépin a obtenu une 26e place sur 112 athlètes féminines samedi dernier sur les plaines d'Abraham à Québec lors de l'invitation du Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, l'étudiante en doctorat en chiropratique a parcouru les 6 km en 24 minutes 39 secondes. C'est pas mal plus rapide que ce que je ferais. Sûrement, ouais. Et cette 26e position est d'autant plus remarquable lorsqu'on considère que des universités externes au RSEQ, donc le réseau des sports du Québec, ont participé à l'événement, faisant grimper du même coup le calibre et aussi le nombre de participants. Donc, ses efforts à l'entraînement et sa gestion de course ont permis à l'équipe trifluvienne de devancer celle de l'UQAM, Carleton, Concordia et LUCAC. Nicolas Gilbert, lui, a quant à lui terminé au 27e rang samedi dernier sur les plaines d'Abraham à Québec, lors de l'invitation encore une fois du Rouge et Or de l'Université Laval. L'étudiant au baccalauréat en sciences comptables a parcouru les 10 km en 34 minutes et 26 secondes. Le pointage a permis à l'équipe trifluvienne de devancer LUCAM, Carleton et Concordia. Bravo! Félicitations ouais. à nos deux athlètes de la semaine. Du côté du badminton, eh bien, ça a été un petit peu plus difficile pour l'équipe masculine qui s'est néanmoins aperçue que la marche n'était pas si haute que ce qu'elle semblait. Donc, du côté féminin, nos joueuses s'en sont mieux tirées avec quelques victoires. Victoires qui peuvent malheureusement pas être comptées au pointage dû à un effectif insuffisant. Ben donc, l'équipe de badminton aimerait par ailleurs inviter les étudiantes qui se débrouillent bien dans ce sport-là à venir essayer l'équipe. Donc, ah, si jamais... assez de monde, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Donc, si jamais vous êtes du genre à aimer le badminton, bien, allez faire un tour au CAPS. Informez-vous aussi sur la page Facebook des Patriotes de l'UQTR parce qu'on cherche à vous recruter. Voilà. Si vous êtes badminton to the bone. Oh! Mathieu, t'es en feu. Du côté du golf, ça se termine aujourd'hui, sachez-le, mais c'est une excellente troisième position qu'a obtenue la formation lors de la première ronde du championnat provincial qui se tient ici à Trois-Rivières au club de golf Kiwiteb. Donc, la recrue Jacob Robitaille s'est démarquée avec un pointage de 73 plus 1. ben oui. Ce qui semble apparemment très, très bon pour une sixième place au classement individuel, alors que François Moïse-Jekind s'est également illustré avec un résultat de 74. Donc, la lutte pour le quatrième rang s'intensifie alors que c'est l'ETS, l'École de technologie supérieure, qui a terminé au deuxième rang lors de cette première ronde-là. Et il prend donc le quatrième rang au classement général. Mais les Carabins, qui sont cinquième, et les Stingers, qui sont sixième, ont perdu du terrain, ce qui diminue l'écart entre la deuxième et la cinquième place, qui nous donne beaucoup plus de chances du côté des Patriotes de l'UQTR de venir les rechercher un petit peu. Et ça se poursuit, comme je le disais, aujourd'hui. Ça a commencé à 7h30, donc si jamais vous voulez savoir comment ça se passe, bien évidemment, les réseaux sociaux et Twitter sont un petit peu les meilleures façons de suivre les différents sports pour les Patriotes. Et le tout devrait se terminer aux alentours de 15h aujourd'hui. Et on attend encore des nouvelles à savoir comment est-ce que ça s'est passé pour la ronde qui était hier. Oui, donc aujourd'hui étant le 4 octobre. Les Carabins, oui. Ceux qui portent du axe puis qui sont chest brûle, est-ce qu'on les appelle les Caradouches? Carabins, Caradouches. Terrible. On le dira pas que t'as dit ça à la radio. Du côté du hockey, eh bien, nos Patriotes UQTR sont du côté des États-Unis depuis peut-être quelques jours maintenant. Mais malheureusement, on a eu une défaite de 4 à 1 lors du match préparatoire face au St. Lawrence University, les Saints Athletics. On a gagné un match, on en a perdu un autre. On devrait revenir ici. D'après moi, on est quasiment revenu là. On doit être sur le chemin du retour pour les Patriotes UQTR. Et la saison va commencer le 12 octobre prochain, sachez-le. Ça devrait être pendant la Coupe des assauts aussi. Ah. Donc, si jamais vous voulez gagner des points là, pour vos assauts, chers étudiants, bien, c'est comme ça qu'il faut y aller. Vous avez simplement à vous présenter. Il va y avoir des autobus en plus qui vont vous y amener. Et c'est tout en le fun de voir le plus grand nombre de personnes disponibles pour le match d'ouverture parce que ça amène les fans, ouais. Disons-le. Voilà. C'est le fun pour les joueurs. Fun. Eh oui, du côté du soccer, eh bien, en fin de semaine, il y avait le match local qui était contre les deux équipes, donc féminine et masculine, des citadins de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal. Malheureusement, du côté des filles, c'est l'UQAM qui s'est vraiment imposé sur le terrain avec une avance de 5-0 face aux Patriotes féminins. Ça fait quelques fois qu'on en parle. On a malheureusement pas encore de victoire du côté des filles. Par contre, l'UQAM, on sentait qu'on avait une possession de la balle qui était vraiment supérieure à celle des Patriotes de l'UQTR. On le sait aussi, on met en place de nouvelles joueurs. Donc, au niveau de la communication, on doit travailler certaines choses. On doit travailler aussi, à mon avis, le fait qu'on joue peut-être un petit peu trop proche l'une de l'autre. À certains moments, c'est arrivé ou que c'est là qu'on s'est fait avoir une passe sur le côté et l'UQAM a réussi à voler le ballon et c'est vraiment envolé vers le but. Donc, de ce côté-là, on essaie de voir comment est-ce que ça va se passer pour le restant de la saison du côté des Patriotes UQTR féminins au soccer. Du côté du soccer masculin, on a eu une défaite face aux Citadins, la première défaite de la saison face aux Citadins de l'UQAM. Donc, on a perdu 1-0. Par contre, ça a été un match extrêmement serré, extrêmement mouvementé. On le sait, les Citadins de l'UQAM et les Patriotes de l'UQTR, c'est peut-être même un petit peu comment je pourrais dire... Une rivalité, rivalité UQTR-McGill au hockey. Voilà, c'est un petit peu la même chose du côté des Citadins de l'UQAM et des Patriotes de l'UQTR cette saison. On sent que les gars sont très, très mouvementés. On sent que les esprits sont très échauffés petit peu. Ça s'est chamaillé tout au long du match. Et lorsque le coup de sifflet a vraiment mis fin au match, eh bien, ça s'est battu du côté des deux équipes. Ah non, pour vrai. Ouais. Ouais. On a eu quelques expulsions du côté des Citadins de l'UQAM, du côté des Patriotes de l'UQTR. On ne sait pas encore trop comment ça va tourner. Par contre, on a réussi à diviser les deux équipes. Mais comme on le dit, c'est un match très serré. C'est deux équipes qui prennent ça très, très à cœur. Et c'est très serré au niveau du classement pour n'importe quelle équipe. Alors, on le sait que les Patriotes veulent rester au top, tandis que l'UQAM veulent aller rechercher. Donc, notre première défaite de la saison. Bon, ben allez-y au soccer et allez entendre la voix attendre de oui, Tania Baudin. Exactement. À l'UQAM, là, s'ils cherchent une mascotte pour leur citadin, que leur mascotte devrait s'appeler L'UQAM. C'est l'UQAM. Ah, ben oui. L'UQAM, quelque chose. Ça serait tellement bon, Mathieu. Merci. Du côté des sports locaux, bien hier, c'est les Aigles de Trois-Rivières qui ont fait une annonce surprenante parce qu'on est comme en saison morte. Oui, il n'est pas supposé de passer grand-chose avant au moins le printemps. C'est ça, exactement. Mais non, on va avoir un nouveau propriétaire qui va s'associer à la famille des Aigles. Donc, les Aigles de Trois-Rivières ont annoncé hier après-midi des modifications à leur groupe de propriétaires. On parle de M. Jean Tremblay, propriétaire du groupe Verdure, qui va se joindre à M. Michel Côté, qui est le propriétaire de l'entreprise Côté Réco, pour assumer tous les risques financiers futurs des Aigles de Trois-Rivières. Sachez que Marc-André Bergeron et Emmanuel Turcotte demeure dans le groupe, toutefois, sans investir nécessairement d'autres argent pour l'équipe pour le moment. Donc, le groupe Verdure, également propriétaire des Capitales de Québec depuis 2010, va transporter ses connaissances dans la cité ici de Trois-Rivières, dans la cité de la Violette. Et il dit que c'est important de comprendre qu'il s'agit d'un investissement communautaire. Donc, les motivations sont de permettre aux gens d'assister à un match de baseball professionnel à bas prix et que la communauté d'affaires de la Mauricie se joigne à eux dans le projet. projet. C'est ce qui explique Monsieur Tremblay. Et cette réorganisation administrative va donner un deuxième coup de souffle peut-être aux Aigles qui vont entamer la saison 2017 comme on se le demandait en fait. Ouais, en ça. Fin de saison, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer du côté des Aigles. Passer de champion en 2015 à dernière place de la liste en 2016. Exactement. Et peut-être 2017 va être le retour. Et là, c'est signé pour plusieurs années, même qu'on a appris hier aussi que Simon Laliberté, l'animateur, va être de retour. Son contrat a été renouvelé. Ben oui, tout à fait. Alors, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur M. Jean Tremblay, eh bien, il a fondé le groupe Verdure en 1987. Il a fait grandir l'entreprise au point qu'elle devint rapidement le numéro 1 en entretien de pelouse au Québec. Il compte aujourd'hui 25 franchises, 120 000 clients partout au Québec et à Ottawa. Le groupe Verdure est le leader incontesté de son industrie. Et M. Tremblay s'investit aussi aux États-Unis en tant que vice-président franchise et marketing au sein de l'entreprise Lake and Wetland. Donc, de ce côté-là, j'ai comme l'impression que oui, ça va donner un deuxième coup de souffle à l'équipe trifluvienne pour le baseball. T'as oublié la grosse nouvelle là-dedans, c'est que les Aigles vont changer de nom pour les Râteaux. Les Râteaux de Trois-Rivières. Ouais. C'est la grosse nouvelle. T'as oublié ça? Je suis désolée. T'enterres le lead. Je sais. Hey, ça n'a aucun bon sens. Hein? Du côté de l'équipe du Blizzard de Trois... Oh, t'es niaiseux quand tu veux. Du Blizzard de Trois-Rivières de la Ligue nord-américaine de hockey, eh bien, il y a deux autres joueurs qui sont bien aimés des partisans de Trois-Rivières qui ont été signés, qui ont signé de nouvelles ententes en vue de la nouvelle saison qui va débuter ce vendredi. Donc, sachez-le. Les vétérans attaquants Yann Joseph et Chris Cloutier vont être de retour. C'était attendu. C'est une nouvelle que plusieurs se demandaient sur le forum du Blizzard. Ça faisait jaser beaucoup. Il y en a beaucoup qui disaient « Non, mais qu'est-ce que vous attendez pour les signer? Qu'est-ce que vous attendez pour aller les rechercher? » C'est tout simplement une question d'entente, une question de, bien souvent, communication entre les deux parties. Donc, de ce côté-là, l'attaquant âgé de 35 ans, Yann Joseph, atteint le plateau des 600 points la saison dernière en totalisant maintenant 604, dont 164 buts. Il y a deux Coupes Futura qui est maintenant la Coupe Verdure, qui a gagné avec le défunt Saint-François de Sherbrooke, qui était une autre équipe de la Ligue nord-américaine en 2006 et en 2011. Et on rappelle que Yann Joseph avait demandé au Blizzard de l'échanger en début de saison de match préparatoire au courant de la saison pour, parce qu'il a pris le temps vraiment d'expliquer la situation. Il dit qu'il tient absolument à dire qu'il est vraiment très heureux d'être avec le Blizzard et les dirigeants et les partisans de l'équipe. Ce sont des raisons strictement familiales qui ont fait en sorte qu'il avait demandé à l'équipe d'aller vers une autre ville de l'échanger avec des équipes plus près de chez lui. Il a réussi à s'arranger avec les membres de sa famille, ce qui va permettre de revenir avec un très grand plaisir à Trois-Rivières. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas parce qu'il aimait pas l'équipe de Trois-Rivières, c'est tout simplement parce que ce sont des gars aussi, faut le dire, qui ont d'autres travails, qui ont des vies. C'est oui, des gars qui jouent au hockey, mais pour la plupart, on a un autre métier. Donc, de ce côté-là, parfois, le voyagement fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile. Et comment est-ce qu'on voit la saison pour Yann Joseph? Il dit qu'il y en a plusieurs qui placent l'équipe dans un rôle peut-être négligé, qui sont peut-être moins bons que ce qu'il dirait, mais il est confiant qu'il va surprendre, que l'équipe va surprendre les fanatiques de hockey. Il dit qu'on a une très bonne attaque et qu'on va être très efficace défensivement. Il pense que l'organisation travaille fort aussi pour améliorer la lacune qu'on a d'empêcher d'aller plus loin dans les séries au cours des dernières années. Donc, on le sait, le hockey des séries, c'est bien différent qu'en saison régulière. Et de conclure que celui qui est au 9e rang des meilleurs pointeurs de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey. Voilà, c'est les deux nouveaux joueurs. Moi, ce que j'entends de ça, c'est qu'il y a encore des gens qui vont sur les forums en 2016. Ben oui, tout à fait. C'est ce qui est mais les forums Facebook, là, ah, souvent, okay, okay. Là, c'est, ah, c'est, pas ça, ma c'est okay. Ça qui se passe, là, mais bon, en tout cas, OK. on a aussi appris que tout est prêt pour la saison 2016-2017 du côté des Blizzards, du Blizzard de Trois-Rivières. Donc, ça va se mettre en branle ce vendredi. Ça va être le match d'ouverture de la saison. Sachez-le, ça va être compte aussi avec la participation des anciens draveurs de Trois-Rivières. On avait entendu dire que Michel Bergeron était censé être là, alors... J'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se passer du côté de Trois-Rivières ce vendredi. Et il y a aussi, Mathieu, ton équipe préférée. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la climatisation. Oh, ben oui, le circoncision. oh mon Dieu. Le boutillier. Je te parle de la climatisation cloutier, Mathieu. C'est ça, oui, je pas la circoncision. Le boutillier. C'est Wilfred. Oh mon Dieu, ben oui, exactement. Ben oui. Donc, la climatisation cloutier a empoché une deuxième victoire en autant de matchs cette fin de semaine. Lors du match d'ouverture de la saison 2016-2017 de la Ligue Senior A de la Mauricie. Donc, on parle de Nicolas Lévesque, qui est nouvellement capitaine cette année, Marc-André Carré, Derek Morissette, Joël Coulombe et Michael Bélanger. Ils ont tous obtenu un point, plus d'un point en fait dans cette victoire de 5 à 4 face aux Mécanarques de Donnacona. Et bien évidemment, l'organisation tient à remercier les nombreux partisans qui étaient sur place. J'ai rarement vu une aréna aussi petite être aussi remplie. Wow! Ouais, tu sais, ça joue à la vieille aréna du Cap. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est facilement remplissable, mais il y avait vraiment beaucoup de monde et on sentait que les partisans étaient là pour encourager le monde, ce qui a été quand même très le fun à voir. Et ça a été un beau spectacle comme match d'ouverture. Et le vendredi, eh bien, c'était la saison qui débutait pas nécessairement à domicile, mais du côté de Saint-Léonard d'Aston, voilà. Donc, la climatisation cloutier du Cap de la Madeleine a gâché la fête un petit peu vendredi soir du côté du match d'ouverture de Saint-Léonard parce qu'on a vraiment pris les devants, disons-le, pas nécessairement à domicile pour nous. Donc, les partisans étaient vraiment gonflés à bloc après que l'organisation ait hissé la bannière des champions de la série de la Ligue Senior A de la Mauricie en 2015-2016. La troisième remportée par l'équipe au cours des quatre dernières années du côté du Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston. Mais le Bigfoot a vu les visiteurs inscrire le premier but avant de se ressaisir et inscrire quatre buts consécutifs pour prendre les devants 4 à 1 à la mi-chemin dans le match. Et par la suite, climatisation cloutier a ouvert la machine pour marquer 5 buts sans riposte pour ainsi l'emporter 6 à 4. Voilà. Yeah! Voilà pour la circonscription croupier. Oui, Mathieu, ton équipe préférée. Je m'entendrai jamais de ce nom-là. Et c'est ce qui met fin autour des sports réflochés. Génial. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Mm-hmm. Au retour de la pause, on a plusieurs choses qui s'en viennent. C'est la fin de l'émission. Oui. David Ferron va être là avec le Zone Campus. Il te reste Tania Gunn-Entretien à faire. Oui. Et Marie-Christine Perra. Tout ça dans la prochaine portion d'Assemblage requis. Mais pour l'instant, on écoute Patrick Watson avec la pièce Beijing. Assemblage requis sur Cifou. Patrick Watson et la pièce Beijing à Assemblage Requis. Au retour, David Ferron et la chronique Zone Campus. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bonjour à Assemblage Requis en ce mardi 4 octobre 2016. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Ok, oui. Et on a avec nous maintenant David Ferron. David, je sais pas à quel moment est-ce que je veux te gêner le plus. Parce que chaque moment, on dirait que je veux te gêner un peu. Ben, on dirait que t'aimes ça. On dirait qu'on aime ça, se chamailler. Ben oui, t'aimes ça, me chamailler. Moi, j'ai rien fait, moi. Mais je pense que j'ai comme le coup qui va comme t'achever pour te chamailler. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la capsule Info Campus. Petit coquin. Ouais, je sais. Voici la capsule Info Campus. Vous êtes étudiant à la maîtrise ou au doctorat? De nombreuses bourses vous sont offertes. Pour plus de détails, vous pouvez contacter le décanat aux études au 819-376-5011 ou aller à la section Services aux étudiants de la page de l'UQTR dans la rubrique Bourse universitaire. Faites vite, plusieurs demandes et choix d'ici la mi-octobre. Le 12 octobre 2016, entre 8h et 16h, se tiendra au DIGIOP de Shawinigan le colloque Relève et transfert d'entreprise. Le coût d'inscription est de 45 $, mais de 20 $ pour les étudiants. Pour s'inscrire, il faut aller à événementshawinigan.com. Vous souhaitez améliorer vos aptitudes en communication? Les rencontres oratoires « On s'exprime, on communique » sont pour vous. Les prochains ateliers auront lieu les lundis 17 octobre, 14 novembre et 5 décembre. Pour garantir votre place, il faut aller à la page du Centre d'aide en français de l'UQTR et aller à rencontre oratoire. Pour tous les artistes souhaitant avoir une belle visibilité, il y a la Biennale internationale d'estampes contemporaines de Trois-Rivières. Pour soumettre votre dossier, vous avez jusqu'au 9 octobre 2016. Le site pour la soumission est bictr.ca/inscription. L'équipe de golf des Patriotes est l'hôte du tournoi provincial qui aura lieu au Kiwitem entre le 2 et 4 octobre prochain. De plus, la saison officielle de hockey commence le 7 octobre contre les Voyageurs à l'Université Laurentienne de Sudbury. En natation, c'est la Coupe universitaire qui aura lieu à l'Université de Sherbrooke le vendredi 7 octobre. C'était la capsule Info Campus. C'était l'Info Campus avec David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus. David qui est justement avec nous en ce moment même. Hey, David, t'aimes-tu l'Info Campus? En fait, je m'habituerai jamais de m'entendre. Ouais, il aime pas ça, mais je sais pas, moi j'aime ça le jouer quand il est avec nous pour pouvoir voir sa face quand c'est ça joue. C'est pas pire. Non, ça va, c'est correct, c'est ton premier, ça va s'améliorer, ça ne peut qu'être mieux la prochaine fois. Oui, ouais. J'espère. Donc voilà, on l'a dit, David Ferron est là, donc voici la chronique, et non pas Info Campus, cette fois-ci c'est la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, rédacteur en chef de ce journal Zone Campus. Bonjour officiellement. Ben bonjour officiellement. Ouais. Donc David, on va faire un petit retour sur les activités du Zone Campus depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. La dernière fois, c'était pour parler du journal qui venait juste de sortir. Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, en une semaine, il s'est passé quelques événements reliés à la vie du Zone Campus. Donc, la première édition de l'année 2016-2017 est enfin sortie. Youhou! Yabalabadou! Oui, enfin. Et là, on a fait un 5 à 7 avec les journalistes et toute l'équipe pour souligner ça à la chasse-galerie. Presque toute l'équipe. Oui, ben c'est sûr que tout le monde pouvait pas nécessairement, parce que tout le monde est occupé et très impliqué, c'est mais vrai. Ça a été bien. Oui, c'est fun. Puis on a pu présenter en primeur la version papier. Absolument. Sur, écran géant. Après ça, il y a un kiosque C'est fou Zone Campus au Ringuet. Qui était un succès aussi. C'était près de la cafétéria et de la bibliothèque. Et quand même pas mal de gens sont venus montrer leur intérêt pour le journal et pour la radio. Oui, on essaie. C'est sûr que là, ça fait longtemps que le Zone Campus n'était pas sorti. On est encore... C'est sûr qu'on n'est pas... Oui, c'est ça. Puis c'est sûr qu'on n'est plus nécessairement en début de session, mais il y a quand même des nouvelles cohortes, des nouveaux étudiants. Donc, c'est toujours de présenter ça comme si c'était tout nouveau à chaque année. Oui, voilà. Et le but de ce kiosque-là était, entre autres, et on va vous le dire parce que ça pourrait vous intéresser vous aussi, on cherche quelqu'un au sport en ce moment. Oui, exactement. Donc, quelqu'un qui adore le hockey, qui aime le hockey, qui maîtrise le vocabulaire du hockey, ça serait pour couvrir les matchs des Patriotes hockey. Puis peut-être d'autres sports. Les Patriotes hockey? Là. Oui, exactement. Donc, la section hockey des Patriotes. Puis, c'est rémunéré. C'est un job qui est rémunéré. C'est au moins 4 heures de salaire par semaine. Génial. Mais il faut absolument être étudiant. Oui, c'est pour ça que Tania ne fait pas. Hein? C'est ça. Oui, exactement. Il faut être étudiant à l'UQTR. Ça, c'est très important. Pas juste étudiant de la vie, genre. Non, c'est ça. Si on n'a jamais fini le cours, on est du t'es encore techniquement étudiante. Oui, mais si t'es inscrite pour l'automne 2016, ça passe. Ah, malheureusement. Ah, zut. Ça passe plus. Tant pis. Va-t'en. C'est ça. Sinon aussi, il va y avoir un autre kiosque au Michel Sarrazin la semaine prochaine, entre 13h et 16h, le jeudi, le 13 octobre. Au Michel Sarrazin, c'est le pavillon de la psychologie, c'est bien ça. Exactement, psychoède et psychologie. À côté de la deuxième chasse-galerie. Oui. Proche de là. Oui. Donc, ça, c'est pour les activités qui ont eu lieu depuis la semaine passée et pour la semaine prochaine. On voulait aussi aborder quelques petites pins de sujets qui s'en viennent dans le prochain numéro. Des trucs, là, vraiment, soit vagues ou précis, mais qu'on va couvrir bientôt. C'est juste un petit aperçu. Un agace, oui, on appelle. Oui, parce qu'on va en parler plus en profondeur la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, il va y avoir notamment un topo sur le rendez-vous des microbrasseries qui aura lieu jeudi qui s'en vient. Ça, c'est organisé par quelqu'un de proche de nous. La radio, c'est fou. Quand même assez proche de nous. Littéralement. Ben oui, des collègues. Bonjour, boss. Hello, JP. Bien oui. Et Laurent. Oui. Ben oui, évidemment, il faut souligner le travail. On a un stagiaire qui s'appelle Laurent et qui organise ce rendez-vous-là. C'est la première affaire qu'il organise. Soyez donc là pour l'encourager. Hein? Pour les gens qui se sentent coupables un petit peu de pas y aller. Il est tout le temps au bureau. Tout le temps au bureau. Aidez-le. Mais oui, puis il va y avoir plein, en fait, d'artisans locaux, notamment le Trou d'Hier, mais il va y avoir aussi le Pied de Cochon qui va être là aussi. Oui. Donc, pas juste de Trois-Rivières et de Shawinigan, mais de partout au Québec, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous aimez la bonne bière et la bonne bouffe, c'est le moment idéal. C'est 10$ plus taxes. Les billets se retrouvent. En fait, vous pouvez acheter vos billets à lepointdevente.com. C'est le même site que pour le show de la rentrée, les autres trucs que C'est fou organise. Et puis, si je me fie à l'image sur leur affiche, je vois des bretzels, donc j'espère qu'il y aura des petits snacks pour aller avec la bière. Mais clairement, d'après salé. Moi, ça va être des petits snacks salés. Ça va être bon. Donc, le rendez-vous des microbrasseries, première édition, c'est jeudi. Mathieu, si tout se passe bien, on devrait aller y faire un tour, toi et moi, et en parler, sachez-le, si jamais ça vous intéresse, dans l'émission Très Blues assez fou. On sait pas encore quelle heure, mais on devrait faire passage dans l'émission de Denis Baudin pour en discuter. Émission qui est entre 19h et 22h, et c'est même assez fou avec Denis Baudin. Ça se passe jeudi soir. Et s'il savait pas, ben là, il vient de l'apprendre. Hey, c'est pas vrai, il est au courant. Je pense que Denis Baudin et Tania Baudin ont à un moment donné probablement parlé de ça, peut-être à la maison. Là. Népotisme. C'est ça. Hey, tellement, hein? Tellement de népotisme ici. Bref, toi, David, t'es homme à part, homme seul, homme, comment dire, d'action et de journalisme de terrain. Ouais, tu vas-tu y aller, David? Ouais, on va s'être là. Ben oui, il y a de la bouffe. Des vrais dire. David, il est comme, pff, c'est sûr. David, c'est juste son 8e repas de la journée rendu à 7h le soir. Hein? Ouais, on n'a pas de problème. Il a déjà mangé ses légumes puis tout. Là, ses craquelins, son yogourt. Exactement, là, j'ai faim, je vais manger le studio. Ah, Colin. C'est-tu ça qu'il nous a enlevé un micro? Il nous manque un micro. Ouais, il nous manque un micro. Ah, je comprends pas. Ah, non, ah j'ai mangé mon micro. Ah, j'ai mangé mon micro. Yam, quel mime, quel acteur! C'était parfait! Donc, ça boucle pour le Zone Campus? Oui, puis quelques sujets qu'on va parler pour la prochaine édition qui sort mars prochain. Yay! Oui! Déjà! Déjà! Oui! Ça ne finit plus, c'est le fun! Donc, on va parler évidemment de la visite d'Hélène David la semaine dernière. On va parler justement du rendez-vous des microbrasseries, ce qu'on vient de parler également. On va faire un petit topo là-dessus. On va faire un portrait également de Guillaume Asselin, qui est dans l'équipe de hockey des Patriotes et qui a eu quand même une grosse saison. Puis aussi, il a fait partie il a fait partie du camp des recrues des Canadiens. Donc, quand même impressionnant. Oui, quand même. Sûrement, il n'a pas été pris, mais quand même. Tu sais, quand t'es rendu dans le camp des recrues... Tu t'es quand même fait appeler, là. Ben, oui. C'est bon flatteur, aussi. Ben oui, puis quand même... Puis là, il est encore plus motivé à avoir une meilleure saison qu'il y a eu l'année dernière au sein des Patriotes. Parnouche, ça va être toute une saison, si il fait ça. Il met la barre haute, là, pour lui-même. Il se met de la pression. Ça risque d'être très intéressant. Donc, justement, les Patriotes vont être là le 7 octobre. Donc, ça vaut la peine. Mais le 12, je pense, c'est encore plus officiel parce qu'ils vont jouer ici à Trois-Rivières le 12. Puis ça a l'air qu'il y a un gros party avant. Oui, à la chasse-galerie, ça. Oui, le tailgate. Donc, le 12, ça va. On va voir qu'est-ce qui va arriver le 12. On a bien hâte. Ouais. Mais aussi, il va y avoir une récapitulation du show Show Me You Burlesque. Ça, c'est organisé par l'Association des étudiants en sexologie. Ceux qui écoutent l'émission C'est Full Sexe les lundis matin, vous en avez sûrement entendu parler. Mais oui, puis c'est également Anthony et Marie-Ange qui écrivent la chronique sexualité dans le Zone Campus. Tout à fait. Donc, ils sont impliqués aussi. Ils sont partout. C'est bien. Et également aussi le week-end du cours qui était une fin de semaine de court-métrage qui va être également abordé parce qu'il y a un court-métrage qui s'appelle Mutant qui est très intéressant aussi, qui a même gagné un prix au Festival de Toronto. Festival d'Internet. Festival du film international de Toronto, le 50. Ouais, exactement. Ça, ouais, il me semble que c'est le 50. Oui, exactement. Donc, tout ça va être abordé dans le Zone Campus de la semaine prochaine. Numéro 2 qui va être en kiosque à partir du mardi 11 octobre. Oui. Voilà. Merci David Ferron pour la chronique Zone Campus. Ben, ça fait plaisir. On transitionne de façon tout à fait subtile comme on aime le faire à ton autre chronique. Hein? Donc, David Ferron qui est toujours avec nous pour le petit bloc musical qu'on appelle La carte à Blitchey. David Ferron, t'es là pour un bloc musical, d'habitude de musique hétéroclite, il n'y a pas vraiment de thématique, t'as tout le temps de thématique dans ta chronique, quelque chose de genre, quelque chose qui les regroupe, mais t'as pas de thématique dans le sens de ta chronique, c'est pas tout le temps sur un même style. Ben en fait, il n'y a pas vraiment de thématique précise. Un fil conducteur des fois, la plupart du temps, t'as pas quelque chose qui tricote autour de ça? C'est de la bonne musique, c'est le fil conducteur. C'est des affaires dans ta tête. Oui exactement, mais il n'y a aucun fil conducteur dans ma tête. Travaillant à un bras de distance de David, je peux vous le confirmer. Ouais, j'ai plein, en fait, j'ai ma tête qui bouge tout le temps. Ouais. En fait, le cerveau. Mathieu peut voir mon cerveau en live. C'est pas de sa faute. Ouais. C'est comme un film, je sais pas, des Avengers. C'est comme un film. C'est comme un film qui devrait être muet. Donc! Au revoir! Dang! Dang à matin! Donc, David, tu nous as amené 3 pièces aujourd'hui. Non, je m'en vais. Il nous avait amené 3 pièces. Moi, il est parti. Moi, tu vas voir. Moi, il met les 3 en même temps. Moi, là, ça s'en va. Hein? Je saurais pas quoi faire. Bon, il est vraiment parti. David et ses mimes, c'est de toute beauté. Il est caché derrière mon écran. Il va revenir. Oh, il revient. Attention, il patine. Une chance que les chaises ont des roulettes, hein, parce que sinon, David, il y aurait de la misère. Il est parti complètement du bureau. Ah ouais. Ça va faire de la radio pendant combien de temps, ça, tu penses? J'espère pas trop longtemps. Oh, attention, il est derrière moi. Parle, David, derrière moi. Faut prendre sa photo. Non, il fait juste rester là. Oh, pauvre petit David. Est-ce que tu veux faire une chronique ou tu veux pas faire une chronique, David? Non. Il veut plus faire une chronique. Je vais faire jouer ses pièces d'abord. Il est vraiment parti. Il est vraiment parti pour vrai. OK, bon, ben on va faire jouer les pièces puis on va passer à autre chose. Et peut-être qu'il va nous raconter après les pièces qu'est-ce qu'elles étaient, hein? Peut-être. On va commencer par Poirier, pourquoi pas. T'sais, j'ai même pas dans l'ordre qu'il voulait les faire jouer. On écoute Poirier, voici Pâle Mal tout de suite. Ça pâle sous d'eau. Allez. Yo capale nous mal. Yo capale, nous mal. Yo capale nous mal. Yo capale nous mal. Qui l'aime casser dans Mayan. J'suis ta veille et malem. M'a fait l'argent, m'a prend dans Mayan. Yo dit bon, dit plus fort. École m'a brillé couleur. Moi m'a quand mettre là devant. Carrière m'clairé, con diamant. Ton écrasim, ton éboulim. Bitsou, pas qu'à faire m'en yé. Ton écrasim, ton éboulim. Si ça m'pa vle m'pa connaît. Cherche moun yo. Moi pa wè moun. Capale sudo Yo capale nous mal Yo capale nous mal Yo capale nous mal Yo capale nous mal Côté mounio oh oh bah ouais mounio oh oh Côté mounio La descend, tout ça fait pour nous pas assez. C'est pour ça que fait carré parler mal. Ça qu'a parlé sous dos, c'est derrière mieux. Si pile gros pile sous dos, c'est derrière mieux. Ça qu'a parlé sous dos, si pile gros pile sous dos. Yo capalé. Capale nous mal. Yo capale nous mal. Yo capale nous mal. Yo capale nous mal. Côté mounio, oh oh. Bah ouais mounio, oh oh. Côté mounio, hey. Bah ouais mounio, hey. Côté mounio, oh oh. Bah ouais mounio, oh oh. Côté mounio. Nous mal. Yo capale nous mal. Yo capale nous mal. Yo capale nous mal. Côté mounio. looks like it kisses the shore. Although it's just a simple chemical reaction, it looks like the fire doesn't wanna die. You tell me that the water looks like it kisses the shore. Although it's just a simple chemical reaction, it looks like the fire doesn't wanna die. I know quite a lot about the bees and flowers, but it feels so strange to be alive. You tell me that the water looks like it kisses the shore. Although it's just a symbol, looks like it kisses the shore. Alors, on vient d'entendre Landscape Escape de l'artiste, en fait, du groupe Swiss Old Beholder, et c'est tiré de l'album Lightning qui est sorti le 16 septembre dernier. Mm-hmm. Là, avant ça, on a écouté la pièce Side Wonder de Radio Laria, c'est tiré de l'album Night Bloomer, et c'est un groupe de l'Oregon. Ah, Karen, ça sonnait pas comme de l'Oregon. Et c'est la deuxième mention du mot Oregon dans l'émission d'aujourd'hui. Ah ouais. Drôle de hasard. C'est cool. Ouais, c'est ça. L'Oregon, c'est la base de tout. Ben oui, évidemment. C'est peut-être là que ça va décider entre Hillary et Donnie. Donnie? Oui. Tu l'appelles même comme le savon pour la lessive du Donnie. Ouais, mais il est très abrasif comme savon. C'est vrai, c'est pas comme le petit nounours. Mais non. C'est ça, Donnie, hein, avec le petit nounours? Ouais. Bref, et au début du bloc, Pale Mal? Oui, c'est un duo entre DJ Poirier et le rappeur jazzé Fuente, qui en fait vient de l'Haïti, mais qui est installé de l'Haïti. D'Haïti, wow! Ouais. Ben, ça, c'est difficile à déterminer. Qu'est-ce qu'il faut dire de là ou de, ou tu sais, ben, au Haïti? Ah, je pense qu'on le prononce pas. Ah, c'est ça l'affaire. Donc, ça devient une voyelle. J'ai entendu, c'est quoi, j'entendais dans une publicité Hawaï au lieu d'Hawaï, tu sais. Il y a des trémas sur le i, là, fait que ouais, tu peux dire Hawaï. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. En tout cas. Hein? Faudrait que tous les pays s'appellent Da. Da, da. Ou ba, ou ba. Bahamas. Oui. Il y a ça. Ouais. Bahamas ou Bahamas. Ah, ça dépend des places, ça dépend des gens. Donc voilà un petit bloc de trois pièces de musique variées de la part de David Ferron, qui est de retour parmi nous après son séjour à l'extérieur du local pendant trop longtemps tout à l'heure. Ça fait de plaisir. Ça fait de la bonne radio, David. Vraiment, le divertissant à mort. Alors, on va te retrouver toutes les semaines à 8h30 les mardis, une semaine sur deux pour la chronique Zone Campus en long et en large. Et l'autre, votre semaine pour la carte beachée ainsi qu'un petit avant-goût du Zone Campus comme on l'a fait aujourd'hui. Excellent. Merci David. Ça fait plaisir. Puis j'ai aussi mon émission Le Lob Trotteur. Oui, t'as raison, c'est tout nouveau. C'est mon erreur. Mais c'est tout nouveau, c'est pour ça. C'est une surprise. Bagne. Je m'étais dit que je voudrais en parler. Non, parle-nous de Lob Trotteur. Premièrement, c'est rare que je dise ça de quelque chose que David Ferron fait. Mais bravo pour ce nom-là. Je trouve ça vraiment bon. Mais c'est ta première fois que tu mérites ces compliments-là. Ouais. Donc, Lob Trotteur. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer promener Mathieu? À l'extérieur des ondes tout à l'heure. Mais fais-le pas quitter le studio encore. Ça non, pourrait être long, là. Ben, de toute façon, il y a quelqu'un qui arrive, c'est Marie-Christine Perras. Donc, moi, je m'en vais. Fais ta chronique avant. Lob Trotteur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une émission de musique du monde. D'où? Oui. Ça joue quand, ça? Ça joue les mercredis 19h. Ah, oh, ouais? Ici? Oui. Comme si t'étais pas assez debout au bureau à 7h du matin avant ouais, même qu'on arrive. Ouais, c'est ça. Lui, il reste là 12h. Il est fou. Je sais. Tu vas t'épuiser, David Ferron. Bref, tu fais bien ce que tu veux. C'est parce que les articles de Marie-Christine Perras sont tellement bons que je reste captivé toute la journée. Wow, c'est... Elle a l'air d'être têteux à mille. C'est vrai, là, parce que je voulais pas dire qu'elle était têteux, mais là... Même Marie-Christine en arrière, elle dit. Sérieux, David, voyons donc. Bon, là, va-t'en pour vrai, là. Oui, parce que je t'en ai d'autres voir. À la semaine prochaine, mardi à 8h30 pour David Ferron, espèce d'urbain. Je t'aime, Mathieu, malgré tout, toi aussi, Tania. Merci. Gros moi, je tiens à dire que j'ai absolument rien dit de méchant. T'es complice. Ah, oh, c'est ça, à cause que j'anime avec lui. C'est ça, culpabilité par association. Exact. Oui. Bye. Bon, ça va faire, David Ferron. Merci beaucoup. Allez, on prend la pause. Et au retour, ce sera Marie-Christine Perras et sa chronique Gratin et vin gratuit. Ouh. À son large requis, c'est... Toujours à Sondage Requis, en ce mardi 4 octobre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, oui, oui. Avant de passer à Marie-Christine et sa chronique gratin et vin gratuit, on s'écoute une petite pièce de Malajube, Throwback à Cristobal, tout de suite. À Sondage Requis, parlant de hockey, à parler des Mighty Ducks, ça va. Ben oui, 24 ans aujourd'hui. C'était Malajub. Et la pièce Cristobal. Qu'est-ce que tu as appris sur les Mighty Ducks tantôt, tu disais? Bien, en fait, c'est que c'est le 24e anniversaire de la sortie en salle, ouais. Et j'ai appris que c'était un film documentaire. Donc, c'est pas nécessairement les vrais joueurs qui ont joué dans le film, mais c'est basé sur toutes des vrais joueurs. C'est plus un fait vécu qu'un documentaire, je pense, dans ce temps-là. Ben, en tout cas, RDS a dit que c'était un document. Un document, moi, ben, ouais, mais la source. La source. Ah, c'est ça. Je te demandais si t'avais une source sûre tantôt. RDS, ça compte. Oh, bon. T'es pas fin. C'est une blague. Vous avez entendu Marie-Christine Perra réagir. Eh bien, c'est parce que c'est le moment de gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Mais à Christine a des papillons à chaque fois que cette chanson-là joue. Ah, je l'aime beaucoup. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendue. Genre 6 mois, comme à peu près tout dans la vie. Genre, ouais, c'est ça. Ça fait vraiment un bon bout. Ben, j'étais venue un peu pendant l'été. Ben, au début fait, de l'été. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, comme je suis enseignante suppléante, ça faisait beaucoup trop pour ma pauvre personne. Mais c'est le fun d'avoir tes enfants en studio pendant l'été, faire, ouais, faire leur vrai. Devoir oui. Et poser des questions à leur mère. Mais non, mettons, ça, je fais ça. Ouais, ça fait quoi? C'est vrai que c'est arrivé une fois, ça. Ouais. Ouais, elles sont fort sympathiques. On ces les petites. Salue. Oui, on les salue. Ouais. D'ailleurs, Sarah est partie en crise ce matin. Elle ne voulait pas mettre de manteau ni de tuque. J'avoue que c'est un. Ouais, c'est, on est comme l'entre-deux. Ouais. À 7 degrés le matin, tu pars pas en coton ouaté. Mais bon. Je suis d'accord, puis je suis un mauvais modèle pour ça. J'étais à peine en petit t-shirt. Ouais, toi, t'es tout à mal habillé, Mathieu. Ouais, mais ça va, là. T'as pas 7 ans. T'sais. Non, mais tu sais, faut. J'inspire. Je suis comme un modèle pour les générations futures. Exactement. Fait que ouais, c'est pour le réchauffement climatique. Hein. C'est ça. Mais tu sais, hein, dans climatique, il y a maths. Hein, fait que moi, je suis mon propre réchauffement climatique. Yeah. Donc, Marie-Christine, on parle d'art visuel. On a quand même juste une demi-heure ensemble. Donc, ouais, profitons-en comme faut. Ben oui, effectivement. Puis je suis allée voir une exposition fort intéressante à la Galerie d'art du Parc sur la rue des Ursulines, dans vraiment une des plus belles rues de Trois-Rivières, je pense. Beautiful downtown Trois-Rivières. Yeah. Puis on est en plein balbutiement du Festival de poésie. Je vais en dire plein cœur, non, parce que c'était la première fin de semaine. Fait que tu sais, c'est le début. Ça dure combien de temps, ça, le Festival de la poésie? Écoute, c'est une maudite de bonne question. Ça doit être un bon 2 semaines, moi. Ouais. Je ne sais pas trop, mais la fin de semaine prochaine, il y en a encore très probablement. Puis c'est timé avec les feuilles rouges et oranges dans les arbres. Oui, c'est ça. C'est un temps très poétique. Puis, tu sais, c'est très particulier comme événement, d'ailleurs, ça, une ville tout en poésie. Là, je trouve ça très charmant oui, à Trois-Rivières. Vous avez vu les petites pancartes. Pour les nouveaux en ville, les nouveaux étudiants, là, remarquez les poèmes sur les bâtisses historiques. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Tu as raison. Puis, là, ben, pendant le Festival de poésie, il y en a au Parc Champlain, là, des poèmes au vent. Oui. J'allais en lire quelques-uns hier. Ah, c'est moins ton genre, ça, je pense, hein? J'arrête de parler. T'es pas tellement poésie dans la vie, est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste que, ben, tu sais, c'est des poèmes, des fois, d'enfants, là. Facile, un peu. Tu sais, c'est ça. Mais, je l'ai dit, moi, tu l'as pas dit. C'est que c'est plus beau, je pense, à voir dans le parc les poèmes au vent. Ils sont pas faits pour être lus, ils sont là pour être dans le vent. Je pense que oui. Pense mais il y en a certains qui étaient lus dans le temps au Clément Morin. Ah, c'est vrai? Et je dois dire que ça ressemblait beaucoup moins à des poèmes que l'on écrivait au primaire que certains qui sont dits en plein public. Peut-être que c'est une sélection ouais, fine. Peut-être. C'est triste à dire quand même que, tu sais, avant, ils lisaient ça au Halloween Party Center. Oui, c'est vrai. L'ancien Clément Morin. C'est tellement dommage. C'était une belle librairie, ça. Ouais. En tout cas, ben écoute, non, moi, je suis pas en finance, fait que je comprends rien à ça. Donc, je suis allée à la Galerie d'art du Parc, qui est sur la rue des Ursulines, qui est dans le manoir de Tonnencourt. C'est une maison ancestrale, là, une des peu de maisons qui n'ont pas brûlé pendant l'incendie. Donc, c'est vraiment un témoin du passé, des premières... des vrais premiers balbutiements de Trois-Rivières. Pardon? Si ces murs pouvaient parler. Oui, effectivement. Mais ils peuvent craquer, en tout cas. Ça, oui, c'est vrai, on peut les entendre. Donc, il y a 3 étages, plus un grenier. Mais là, pour cette exposition-ci, le grenier n'est pas exploité. Mais donc, il y a 3 artistes, 3 étages. Puis, il y a 3 poètes associés à chacun des artistes. Mais un poète par artiste. On comprend? 3 poètes, 3 artistes, 3 étages. C'est bon? Oui. Donc, c'est ça. Donc, au rez-de-chaussée, c'était Guillaume Mascotte. Ben, ça l'est encore avec son exposition « Pétard de bois ». Et puis, ben, c'est tout à propos parce que toutes ces peintures sont faites sur des canevas de bois, des petits formats, ou à peu près, là, il y a 1 ou 2 grands formats, mais la plupart, c'est des petits formats. Puis, c'est sur du bois, puis j'aime beaucoup ce support-là. Tu sais, c'est très organique, évidemment. Puis, des fois, on peut voir le dessin du bois. Mm-hmm. Quoique lui, il fait beaucoup d'empattement, fait qu'on le voit moins. Empattement, juste pour ceux qui sont pas initiés à ce domaine? Ok, je pensais que tu allais le dire. Ben, de lampe. De l'empâtement, tu sais, c'est comme un ajout de pâte. Ah, voilà. Fait que, tu sais, c'est la peinture souvent avec un truc qui ressemble à une pâte, là. C'est une passion flaquie, mais en peinture. Ouais, mais c'est pas flaquie. Tu sais, ça fait un. Ça, un empâtement, ouais. Donc ça fait une espèce de colle. Ouais, c'est ça, c'est que ça... C'est très, très long à sécher. Hein? Ouais, ça peut être long à sécher. Puis, ben là, lui, il travaille surtout à l'huile, mais je sais qu'avec l'acrylique, là, tu peux mélanger, ça s'appelle du médium acrylique, mm-hmm. qui est vraiment une pâte. Puis, ça altère pas du tout la couleur, mais ça fait qu'elle va être en épaisseur. Ouais, exactement. Plutôt qu'à être lisse, tu sais, à plat sur la toile, ça va faire une espèce de d'avancement de la peinture. Ça crée de la texture. Ah, oui, voilà. C'est ça, exactement. Donc, allons chercher la texture comme ça. Travail d'équipe. Ou, merci. Ça, ou sinon, je suis rouillée, il fait longtemps, pas venue ici, là. Ou sinon, ben, c'est l'accumulation des fois de couleurs séchées une par-dessus l'autre. Ça fait comme une accumulation de peinture. Bon, ça va? Oui, ça va. Tu comprends, Mathieu? Oui, ouais, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je le vois très bien dans ma tête. C'est ça. Donc, il va travailler par empattement souvent. Donc, on voit moins le canevas qui est derrière le support. Le bois. Donc, ces œuvres, c'est surtout comme des souvenirs de vacances, on dirait. C'est souvent sur le bord de la mer. Il y a quelques petits côtés de trash, des fois. Là, il y a des visages qui ont l'air un peu ensanglantés par-ci, par-là, ce qui est assez frappant parce que la plupart des images sont assez douces et tendres. Puis là, des fois, il y a comme la face d'un gars de profil qui est en train de crier, les cheveux longs, cotonneux dans le visage, puis c'est rouge un peu. Fait que, il y a comme l'effet le fun d'avoir une surprise si c'était tout trash au complet. Ce oui, c'est, oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai que là, tu sais, ça... Ouais, ça fait que c'est moins juste trash. Voilà. Puis c'est ça, c'est très beau. Puis il y a une... Toi, Tania, qui connaît ton histoire de l'art. Hey boy, c'est, ça fait longtemps. Il y a vraiment une facture un peu impressionniste, je trouve, dans son traité. Les impressionnistes, pour Mathieu et ceux qui... Merci de m'inclure. Ben, tu sais, c'est Van Gogh, c'en est un. Okay. Sinon, Claude Monet. Tu sais, ouais. Ils ont l'air... Il y en a des fois qui disent que les impressionnistes, c'est des personnes qui étaient myopes. Fait que c'est pour ça que ça a l'air comme toujours un peu flou. Mm-hmm. Ah, ça serait pas fou. Ouais. C'est plein de petites taches. Donc, on voit vraiment le... Tu sais, c'est une peinture par taches, finalement. Donc, ça va créer les couleurs. Des fois, c'est l'agencement de taches de deux couleurs différentes. Quand tu t'éloignes, tu vois une nouvelle couleur, en tout cas. OK? Mm-hmm. Puis souvent, c'est... les impressionnistes, c'était... beaucoup dans le temps de l'industrialisation. Donc, c'était beaucoup les chemins de fer, la boucane. Donc, c'est pour ça peut-être aussi qu'il y a le côté flou aux impressionnistes. Puis lui, ben, on retrouve ça quand même. C'est pas exactement ça, mais on voit qu'il y a une parenté avec ça. Puis ça fait très beau, là, ce geste-là. Puis on voit le geste de l'artiste. Donc, quand même, ça fait du bien. Parce que des fois, on est beaucoup dans l'ère numérique. Fait que le geste de l'artiste, on le retrouve plus. On fait juste vraiment voir l'impression numérique d'une œuvre. Donc là, on est vraiment dans l'organique. Et puis c'est très beau. Donc, ben, c'est pas juste très beau, là, mais c'est ça. Mais c'est correct d'être à la recherche du beau ben oui. aussi. Là. Ben oui. Bon. Donc, voilà, c'est différent de ce qu'on voit aussi. Oui, c'est ça. Il y en a ça des fois, c'est ça. On est dans la défense du mot et non du côté visuel. Puis là, ben là, on est dans le visuel, puis ça fait du bien. On s'assume. Oui. Donc, c'est ça. Puis le poète qui était associé à notre cher Guillaume Mascotte, qui est un gars de Champlain, hein, c'est le fun, un gars de la région, soulignons-le, c'est Éric Charlebois qui était son poète. Puis je vais vous lire un petit extrait de son poème. Donc, il va avec l'air un peu vacancier, lumineux, nostalgique des œuvres de Guillaume Mascotte. L'air vibre contre le... C'est ça? Oui. Bon. J'écris très mal. L'air vibre contre le vide. Les vagues se laissent trancher par les rochers Coupe-Bégueul. Le vent est le seul poste de radio. Mmh. Mmh. Petit déjeuner au littoral, jouer au hockey avec le soleil et une chiquenaude, oublier son nom, respecter l'anonymat des inconnus. Donc, je trouve ça beau. Mmh. C'est très vacancier sur le bord de la plage, ça, ou vacances à Ogunquit, tu sais. Il y a quelque chose précis, de... Ouais. Il y a quelque chose de... On est dans le souvenir, puis voilà. Donc, je trouvais que le poème, ben, c'est pas... Le poème, il est plus long que ça, mais je trouvais que ça reflétait bien le côté vacancier de Guillaume Mascotte. Ça parle de radio. Oui, en plus de ça. C'est beau. Oh, oui, oui, juste pour ça. Donc, si on monte tout de suite à l'étage, au premier étage de la maison du manoir de Tononcourt, on peut aller voir l'artiste Stella Pace, Paquet. Paquet, ah oui. C'est P-A-C-E. Patchy, peut-être. Stella, ouais, Patchy. Ouais, c'est vrai. Stella Patchy, qui présente l'exposition État d'âme, qui est, tu sais, ce sont des sculptures, des dessins, des estampes, il y a toutes sortes de médiums qui sont utilisés. Disons que c'est peut-être, entre les trois artistes, là, celle qui est la plus difficile d'approche. Okay. Là, on peut, tu sais, c'est pas clair qu'est-ce qui est illustré, mais il y a une espèce de facture primitive, là, un peu. Picasso, il avait une petite tendance comme ça au début de sa carrière. Puis on est comme un peu dans la peinture rupestre, presque. Là. Il y a quelque chose, puis c'est des couleurs très terreuses, là, ocre, noir. Donc, toi, on est dans une ambiance un petit peu plus particulière, plus caverneuse, sombre, oui. Ouais. Puis, sauf que si on s'attarde, ben moi, tu sais, j'ai l'impression de voir un paquet de personnages anonymes dans une espèce de brouhaha, peut-être de ville, ou je sais pas trop qu'est-ce qui est représenté dans tout ça. Mais tu sais, la facture, elle est quand même intéressante, mais ça prend un temps d'adaptation, je dirais. Puis il y a des petits personnages aussi, eux, qui finissent par être... paraître attachant. Tu sais, sont anthropomorphiques. Ouais. Mathieu, ça va, anthropomorphique? Oui, j'adore le mot anthropomorphique. Oui, ça veut dire que c'est anthropomorphique, donc qui ont la morphologie de ça peut de être l'homme. Une patate, mais avec des bras et des jambes. Oui, c'est ça, qui est anthropomorphique, ouais. Exactement. Donc, les petits bonhommes, ben, ça rappelle des personnages, mais c'est quand même une espèce d'amas de matériaux bruts. Tu sais, faut que tu l'observes comme il faut pour lui trouver un... Pour avoir du plaisir à le regarder. Puis finalement, pour vrai, ils deviennent très attachants, ces, ouais, petits personnages-là. Donc, tu sais, il faut vraiment prendre le temps d'apprivoiser cette exposition-là. C'est ça, qui est un petit peu particulière, mais qui a quand même sa place, je trouve, dans le milieu des arts. Oui. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça, mais tu sais, on peut pas dire que c'est... On n'est pas à la recherche du beau, là. Ouais. Mais quand même, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui est de communicant dans ses œuvres. Puis son poète, lui, c'est Serge Patrice Thibodeau. Malheureusement, j'ai pas d'extrait. Je l'ai pas noté. Je sais pas pourquoi. J'ai été bête avec lui. C'est parce que le vin était bon. C'est ça. C'est ça, exactement. Non, j'ai pris du Perrier cette fois-ci. Ah. Ben là, écoute, une année, là, une femme, il faut qu'elle se calme. Puis c'est ça, tu sais. Puis j'en avais déjà parlé ici, là, comme quoi... Tu sais, c'est pas parce que, mettons, t'aimes moins ce type d'art-là que t'aimes pas les arts. C'est comme la musique, tu sais, si t'aimes pas le death metal, ça veut pas dire que t'aimes pas la musique, ouais, tu sais. Fait qu'on a chacun nos goûts, chacun notre genre. Puis dans les arts visuels, c'est la même chose. Donc, tu sais, faut pas se laisser décourager puisqu'on rentre dans une exposition, on se dit, tu sais, une exposition, c'est pas les arts. Ouais. Comprends? C'est vrai. Bon, voilà. C'est pour ça que même les critiques d'art visuel, s'il y a une critique négative envers votre œuvre... C'est vraiment une question d'opinion. C'est ouais, ça. C'est ça. C'est très subjectif, là, vraiment, tout à fait. Là. C'est sûr qu'on peut reconnaître certaines qualités plastiques, certains gestes, certaines techniques qui sont pas de l'ordre de la subjectivité, mais en général, c'est vraiment au ressenti. Fait que voilà, avant de vous parler de l'exposition qui était tout en haut, ben, je te laisserai choisir une des deux pièces que j'ai amenées. C'est de Tini Rossi en premier? N'importe laquelle des deux, je ne sais pas si on a le temps pour les deux. Oui. Là. Sont courtes les deux. Les cloches de Lisbonne par Tini Rossi tout de suite. Assemblage requis, gratin et vin gratuit. Les cloches de Lisbonne au matin quand c'est dimanche se souviennent encore en voyant les voiles blanches qu'elles sonnaient autrefois quand un marin du roi quittait la rade immense et que les larmes aux yeux il entendait l'adieu des cloches de Lisbonne. Les barques dans le port font des rêves de caravelles. Un jeune matelot, les yeux clos, sourit aux anges. Il voit le drapeau d'or des vieux conquistadors, le frôler de son aile. La grand voile frissonne et c'est pour lui que sonnent les cloches de Lisbonne. Et les pigeons bleus des églises nichés au creux des clochers soudain se sont réveillés et vont tournoyer dans les pierres grises. Sous le ciel clair et tranquille d'un beau printemps portugais, La chanson des campaniles montant sur la ville fait comme un bouquet. Sonnait autrefois quand un marin du roi rapportait dans ses cales des horizons nouveaux salués par l'écho des cloches de Lisbonne. Le jeune matelot, les yeux clos, sourit encore. Il voit le roi la cour, les velours multicolores. Une infante aux yeux noirs lui paye d'un regard les mondes qui la portent. Sa tête tourbillonne et c'est pour lui que sonnent les cloches de Lisbonne. Les cloches de Lisbonne par ben oui. Tino Rossi. C'est que je voulais vous amener à Lisbonne. Ah, c'est ça l'affaire! Parce que la troisième exposition, qui est une exposition de Gilles Deveau, un homme tellement gentil, beau et je l'adore cet homme. Donc, il fait l'exposition Saudade, mais probablement prononcée en portugais, là. Saudade, j'imagine. Je regarde Tania, il me semble ouais, de savoir ça. Ça. T'es portugais, t'as rien Duolingo, comme ça. Ton Duolingo, t'as-tu dit d'apprendre cette langue? Malheureusement, on peut pas apprendre le portugais avec Duolingo si tu parles français à la base. Ouais. Non, parce que, tu sais, je sais que soledad en espagnol, c'est solitude. Ouais. Fait que là, ouais. Saudade, est-ce que ce serait pas comme un dérivé portugais de solitude? Ça a l'air de se dire saudade. Ouais. Bon. Fait que voilà, donc vous voyez que j'ai fait mes recherches. Ça paraît, mais c'est pas un art visuel, les langues, donc... Non, c'est ça, exactement. C'est ça, puis Gilles, il utilise le pastel gras. J'en avais déjà parlé de Gilles, parce que vous vous souvenez qui avait fait la demande là, pour qu'on invente ça, ce foutu médium si pratique? Je m'en souviens plus, mais oui, je l'ai nommé tantôt en plus. Pas Van Gogh. Non. Pas Picasso. Oui, Picasso. C'est ça. Parce qu'à la base, c'était un crayon japonais, puis lui, il voulait quelque chose pas trop, puis il a demandé. Bon, puis c'est ça. Mais là, je reviendrai pas là-dessus, là, vous aviez juste à m'écouter l'année passée. Les leçons devraient être apprises. Oui, exactement. Donc, c'est un pastel à l'huile hein, qui est très agréable à utiliser aussi. C'est une question de goût, mais tu sais, on est vraiment dans le contact avec le médium, je trouve, parce qu'on peut glisser nos doigts dedans. Ouais. On peut. Puis le mélange des couleurs aussi est. Il est très particulier parce que, tu sais, si tu fais une couleur puis tu en mets une autre par-dessus, ben ça la couvre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça donne des effets très particuliers sur une toile qui est utilisée au pastel gras. Puis lui, il fait quand même des assez grands formats. Puis c'est vraiment beau ce qu'il fait, Gilles. C'est très doux, c'est très simple. Mais c'est très agréable à regarder, vraiment, là, tu sais, il n'y a pas de grosse démarche en arrière de tout ça, puis d'explication intellectuelle, mais c'est... en tout cas, si jamais quelqu'un, ça lui tente d'investir 400 $ pour me faire un cadeau, il y a une belle toile de Gilles que j'aimerais avoir. C'est un beau tram rouge. Mais ça est subtil. Ouais, le numéro est en bas de l'écran. Les filles. Ouais, je sais pas, mais ça se pourrait que quelqu'un aime beaucoup ma personne, puis a le goût de me gâter. Il va falloir augmenter l'argent de poche de tes filles. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dit, en tout cas. Donc, c'est ça. C'est un médium qui est peu utilisé aussi. C'est rare quand même que je vois ça. Puis la mode est à la santé, fait que le pastel gras, ça. Ouais, c'est non, ça, c'est ça, moins c'est bon. Ouais. Ouais. Mais il y a le sec aussi, mais c'est moins le fun qu'est-ce qu'il donne, le sec. Donc, c'est ça. Il y a deux parties à l'exposition. Donc, il y en a une qui est consacrée un petit peu plus à Lisbonne, puis l'autre est consacrée à des paysages. Ouais. Des paysages. Des paysages qui sont plutôt naturels, là, des souches de bois ou des fonds marins, des forêts. Donc, champignons. Je me souviens pas avoir vu un champignon, mais tu sais, ça donne des choses un petit peu plus abstraites, des couleurs un petit peu plus ternes aussi. Alors que de l'autre côté, quand on était à Lisbonne, les affaires, c'est hyper lumineux, c'est hyper coloré. Puis, tu sais, c'est simple, là. C'est des petits tramways. Au début, je pensais que c'était San Francisco. Non, c'était Lisbonne. Heureusement que j'ai demandé. C'est ça. J'aurais passé une chanson sur San Francisco. Ah! Donc, c'est ça, c'est des tramways un petit peu comme à San Francisco. Puis, c'est ça, c'est... Écoute, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien vraiment à dire là-dessus, à part que c'est très doux et c'est très agréable à regarder. Puis, tu sais, ça montre un peu, il y a beaucoup de personnages souvent, puis ça montre une espèce de tumulte de ville, les tramways comme ça, parce que les gens transigent par ce moyen de transport-là. Mais en même temps, c'est comme si on remarque la douceur puis le calme de l'œil du voyageur, tu sais, que lui, il n'est pas pressé. Fait que c'est un petit peu ça, j'ai l'impression que, tu sais, Gilles devait être assis sur un banc, observer tout ça. Je sais pas s'il a pris des photos, puis après ça, il a fait ses toiles au pastel à partir de la photo, ce qui est probablement le cas. Mais c'est comme si on voit la tranquillité du touriste regardeur, qui, lui, il en a rien à foutre de se rendre à telle heure, à telle place, qui observe cette espèce de rapidité-là de la ville. Donc, on ressent ça en regardant la toile quand même, hein? Ben oui. Puis c'est ça, le pastel gras aussi, ça fait une espèce de vibration. Puis si tu t'approches aussi de la toile, bien là, tu vois vraiment les détails parce que tu peux aussi graver dans le pastel gras. Donc, tu vois ces détails-là, tu vois qu'il y a des juxtapositions de couleurs, tandis que quand tu te recules, bien, tu vois vraiment l'ensemble de... Tu sais, tu vois pas que les couleurs sont mélangées puis qu'elles se touchent là... Donc, en tout cas, c'est très particulier comme médium. Je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est quelque chose de très doux. Donc, quand on est moins habitué aux arts, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est hyper populaire, mais c'est très accessible. Donc, l'ensemble de l'exposition, là, parce que c'est trois expositions distinctes là, à la Galerie d'art du Parc, mais tu sais, c'est une belle entrée en matière, je trouve, pour aller s'initier, pour aller juste observer des choses qui sont belles, agréables à regarder. Donc voilà, c'est fait, c'est ça dit. Ça se termine quand, ça? Je vais te le dire. L'exposition de Gilles Deveau a fini le 30 octobre, mais les deux autres, c'est le 4 décembre. D'accord, c'est, pourquoi il y a moins d'exposition, d'exposure, Gilles, je ne sais pas, mais... Ah, il faut qu'il retourne quelque part. Ben, c'est ouais. Ça. Mais c'est vraiment... aussi, c'est conjoint avec le Festival de la poésie. Puis Gilles est un poète aussi. Fait que peut-être qu'il a comme été invité aussi particulièrement. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est pas tant un artiste visuel qui expose tout partout, lui. T'sais, il va exposer aux Zénobes, il va exposer un peu dans la région ses œuvres, mais c'est pas. Je pense pas qu'il est si assumé en tant qu'artiste c'est visuel pas sa spécialité, contemporain. Ouais, je comprends. Ben, il est très bon, mais je pense que c'est pas ça qu'il recherche nécessairement. Ouais. Mais bon, fait que là, puis je vais vous lire un extrait du poème de Mathieu Croisetière qui accompagne l'exposition de Gilles Deveau, qui est Mathieu Croisetière, qui est un gars de la région aussi, un gars de Trois-Rivières, il me semble, ou qui vient de Sainte-Ursule, là, mais qui vient pareil, à Trois-Rivières. Puis, tu sais, il a gagné pas mal de prix. Je pense que c'est quelqu'un en vogue là, qui travaille sur l'écriture de romans, de recueils, je sais pas, mais c'est un nom à retenir, Mathieu Croisetière. Donc, voilà, donc ça rappelle aussi le souvenir de voyage, comment la mémoire, finalement, elle va interférer des fois sur le souvenir. Ou vice-versa. Comme un bol de gruau le matin d'une enfance, oublié tel un rêve fait avant le réveil, quand on n'est plus certain, des années plus tard, s'il s'agit d'un souvenir ou d'une chose qu'on espérait tellement à une certaine époque qu'on a fini par croire qu'elle s'est vraiment passée, jusqu'à ce qu'on pousse une nouvelle fois la porte, menant au centre poussiéreux de soi-même, qu'on rallume cette lumière autrefois appelée l'âme et qu'aujourd'hui on ne nomme plus. » Donc, voilà, très je crois imagé. Que ça faisait... Oui, ça faisait très souvenir de voyage. Mais donc, c'est tellement vrai, ça va... Oui, c'est ça. Ah, ben oui. Ah, bon, ben vas-y donc, qu'est-ce qui est vrai comme ça? Non, mais je trouvais que ça parlait beaucoup de la mémoire aussi. Mm-hmm. Puis de ce que tu te permets de faire en tant qu'être humain, qu'être selon humain. Ce que tu te souviens. Oui, ben c'est ça, parce que, tu sais, on se souvient de quelque chose, mais des fois aussi, on a l'impression de se souvenir d'un événement, mais c'est parce qu'on se l'est fait raconter ou on l'a vu en photo. Fait qu'on ne sait plus qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis, tu sais, dès que ça devient un souvenir, ben en fait, c'est déjà de l'ordre du pas vrai, finalement. C'est vrai. En tout cas, ben pas tout pas vrai, mais non, on se comprend. Bon. Ouais. Donc, voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais juste vous dire que ce soir, s'il y en a qui s'intéressent, c'est les Joutes internationales à presse-papier. Il y a quatre poètes, quatre artistes, là, estampillés. Puis, donc, c'est à 5 heures. Ça va faire une belle folie, ça. Je sais pas trop, là, il y a sûrement un texte. Puis là, après ça, l'artiste, faut qu'il crée ou l'artiste crée. Puis là, il y a un texte qui se joint à ça. Puis aussi, il y a le circuit numéro 11 à Trois-Rivières qui a les œuvres de Valérie Morissette. Ah, c'est venu, ça. C'est ouais, c'est ça. L'année passée, je l'avais manqué. Mais là, je vais y aller. Il faut que j'y aille pour le journal. Fait que je vais aller faire un tour de bus. Ben, c'est avec fun les comme filles. Concept. À place d'avoir des pubs dans l'autobus, t'as des œuvres d'art. Ben vraiment, je trouve que c'est tellement une bonne idée. Puis aussi, ben, je vais plugger en même temps, il y a le Théâtre Domino qui est le 16 octobre prochain, dimanche. Mathieu, tu vas être là? Quand ça? Dimanche, le 16 octobre. Ah, Domino, oui, j'ai raté le dernier, je devrais y aller. Ouais. Ben oui, t'as raté ça. Maudit! Maudit! Fait que c'est ça, donc défi théâtral en 48 heures. Trois auteurs, trois metteurs en scène, neuf comédiens. Les auteurs ont 24 heures pour écrire une courte pièce. Puis ensuite de ça, les metteurs en scène, comédiens, ont le dimanche de 9h à 7h, mettons, pour préparer tout ça. Ça donne vraiment des choses incroyablement fabuleuses. Donc voilà, c'est tout hein, pour aujourd'hui. Je suis pas pire, hein? Alors, plein dans le temps. Hey. Wow, je suis vraiment fière de moi. Fait que je me dérouille tranquillement. Ça me fait plaisir de revenir avec vous. Ben, c'est le fun de t'avoir. Et on va te retrouver aux deux semaines, encore une fois, cette année, à Assemblage Jockey pour ta chronique Gratin et Vin gratuit. Tu parcours toutes les places des arts visuels. Chacune d'entre elles. Merci, Marie-Christine Perra. Ça fait plaisir. On te lit aussi dans Zone Campus, bien sûr, aux deux semaines. Ben oui, évidemment. On termine ta chronique avec une autre pièce. Voici Adieu Lisbonne de Dario Moreno. Vieille cité du Portugal, sous ton ciel bleu sans égal, tu apparais royal. Lisbonne, les mille feux de ton port semblent danser sur des guitares d'or. Le soir quand tout s'endort, en évoquant mon enfance, j'entends encore les romances, le rythme léger du fado, des guitares et des danses, et je revois ma chapelle. La pièce Adieu Lisbonne par Dario Moreno à Assemblage Requis. Ah, et c'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui, ce mardi 4 octobre 2016. Merci à Marie-Christine Perra pour sa chronique Gratin et Vin gratuit. Merci à David Ferron pour sa chronique La Carte Milchée et celle du Journal Zone Campus. Malheureusement, on n'a pas le temps pour ta nièce Golan-Tutania aujourd'hui. Mais non, mais c'est pas grave, mais inquiétez-vous pas, demain je vais être là. Puis j'avais tellement de choses à dire que. Ben, c'est t'aurais dépassé la demi-heure. Exactement. De toute façon, voilà. Nous qui nous réservons une case horaire de demi-heure pour sport et filocher et Tania, c'est peut-être pas réaliste nécessairement. Peut-être pas. Donc, on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Plus tard sur nos ondes, à 10h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À midi, la rediffusion de Rock de Neuron. À 14h, Tania et moi serons de retour pour les palmarès. C'est fou. À 19h, c'est réanimation, émission de métal et d'horreur. Puis matière noire avec du métal progressif à 21h. C'est.ca pour la programmation complète. Assemblagerockey.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte là-dessus. C'était aujourd'hui l'émission numéro 1000, hashtag 1000. Oui, c'est pour ça que vous avez entendu plein de vieilles chansons. Oui, on a entendu plein de vieux succès, dans le fond, qui ont ouvert l'émission il y a pas mal, quoi, 7 ans?